avant de retrouver Difool en direct. Rémi, lui, est là pour l'actu, le sport et le temps. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Bah, toujours beaucoup d'eau hein, dans l'Hérault qui est en vigilance orange. Pluie, inondation depuis hier soir. Plusieurs routes sont coupées, les établissements scolaires restent fermés. Les pompiers sont intervenus à plus de 150 fois cette nuit entre Pézenas et Béziers. Alors alerte orange également pour le Gard, l'Aude, l'Aveyron et le Var. Côté ciel, la journée sera pluvieuse à l'est et même orageuse dans le sud. Plus calme et ensoleillé sur la façade ouest. Ça ira bien mieux demain et dimanche avec le retour du soleil partout sauf sur le nord-ouest. Les températures en hausse ce matin, comprises entre 5 et 15 du nord au sud, 9 à Paris, entre 12 et 16 au nord de la Loire cet après-midi, de 17 à 21 dans le sud et même jusqu'à 25 encore. C'est plus la pollution, ça reste impeccable, les indices compris partout, entre 2 et 4. Une nouvelle manière d'aborder sa recherche de boulot. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, c'est une grande nouveauté qui vous attend dès l'année prochaine. L'établissement public veut accélérer sa politique de dématérialisation. On ne sera plus contraint de se déplacer en agence et les rendez-vous pourront se faire via webcam. Ce sera pour l'instant sur la base du volontariat. 7 candidats pour la primaire de la droite et du centre et plus de 2 heures de débat hier soir sur TF1. Tous les sujets ont été abordés, de l'économie à la sécurité en passant par l'emploi. Personne ne s'est vraiment démarqué, mais tout le monde est d'accord pour fustiger la politique de François Hollande. Le ton est légèrement monté entre Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Le maire de Meaux en Seine-et-Marne s'est attribué la loi sur la burqa. L'ex-président lui a répondu qu'il était bien incapable, hier comme aujourd'hui d'ailleurs, de lui imposer quoi que ce soit. Alain Juppé en favori est resté en dehors de la mêlée et a fait le service minimum. C'est lui qui est donné gagnant de cette émission selon un tout premier sondage. 35% des téléspectateurs l'ont trouvé convaincant. Jacques Chirac qui semble aller mieux. L'ex-président a quitté la Salpêtrière après 3 semaines d'hospitalisation. Il va poursuivre sa convalescence chez lui. L'ancien chef de l'État, âgé de 83 ans, était soigné pour une infection pulmonaire. Boire du sang de dragon ou encore de la bile de gobelin. Les enfants et leurs parents s'en sont donnés à cœur joie là, cette nuit. C'est vrai, il y a école ce matin. Le réveil va piquer un petit peu, mais l'occasion était trop belle. Ils étaient plusieurs centaines de familles à prendre d'assaut les librairies parisiennes tard hier soir pour la sortie du nouveau Harry Potter. Les librairies ont ouvert leurs portes aux alentours de 22h pour l'occasion. Cela faisait 9 ans que le petit sorcier de Poudlard était attendu. Il s'agit du 8e volet intitulé Harry Potter et l'enfant maudit. Du foot avec la 9e journée de Ligue 1. 2 matchs au programme si la météo le permet. Monaco se déplace à Toulouse à 19h. Puis une rencontre intéressante entre le leader et le 5e du classement. Nice accueille Lyon à 20h45. Et ce sera à suivre dans la Radio Libre. Voilà, beau match oui, qu'on suivra ce soir. Merci Rémi pour les infos. On t'entend dans une demi-heure. Ouais. À tout à l'heure. Et oui, à 6h30 et toute la matinée aussi. Il est pile 6h du matin. Bonjour et bon réveil. C'est parti pour le morning. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamines, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella. Fromage, hamburger. Cariole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et bon petit déjeuner, bon réveil à vous tous et à vous toutes. Bon bonjour. Vendredi, bonjour Romano. Bonjour, ça va bien. Ça va bien, Cariole vient d'arriver avec bonjour. Un café, un truc à boire, plus tout ce qui est dit dans le jingle. Une bière. Là, on a même rajouté une bière ce matin. Bah oui, c'est vendredi, c'est le week-end. Bonjour Karim. Salut tout. Bonjour Sam. Sam et les réseaux sociaux, prend déjà des photos, il est pas toqué lui déjà. Bonjour les photos, bonjour à vous. Et bon réveil, bienvenue sur Sky. On salue tous ceux qui sont déjà là. Bonjour à Raspou qui vient nous laisser un message. Monsieur Titanium, Alex du 44, salut le 44, salut Alex, bonjour à Lequium, bonjour à Quinquin, à Lily du 62 qui se réveille. Eh ben je vois que vous êtes bien réveillés, les 6h01, et déjà vous êtes là, vous nous laissez vos messages hein, sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. Bon, je vais vous demander un truc, aujourd'hui on va faire le réveil de star comme d'habitude à 6h10. Et quelle est la star que vous aimeriez écouter dans le réveil de star? On retrouvera Valérie Damido dans un petit peu plus d'une heure. Moi j'ai une petite surprise pour Romano, vous savez qu'il a été malade cette semaine le pauvre. Oui. Eh oui, la maladie. Je reviens de loin. Intoxication alimentaire. Il mange avec Cédric, il lui passe un coup de fil, on passe la soirée avec lui. Ça le rend malade. Mercredi matin, il n'était pas là. La courante. Romano, t'as loupé Jean-Marie Le Pen. Ah. Moi, je le dis, mon réveil de star préféré, c'est Jean-Marie Le Pen. S'il y a une star que vous aimeriez retrouver dans le réveil de star, dites-nous, si vous avez une petite idée dans l'équipe, t'aimerais retrouver qui, Cariole, dans le réveil de star? Ouais, Jean-Marie Le Pen, il était drôle, ouais, pas mal. Non, mais un nouveau. Je demande des nouveaux, peut-être qu'on n'a pas fait. Ah, Kim Kardashian, car elle est trop bonne. Oui, alors je vais rappeler à Blue le principe du réveil de stars. Les stars ne viennent pas chez les familles, elles appellent seulement. C'est hein. vrai, oui. Donc si un jour t'es réveillé par Kim Kardashian, ça sera peut-être pas. Bah puis le problème qu'il y a, c'est que déjà que quand on appelle avec des stars françaises, ils galèrent un peu les gens. Alors oui. si on appelle avec Kim Kardashian qui est américaine. Bon, moi je vais vous remettre le Jean-Marie Le Pen ouais. dans un instant, et puis dans une heure on retrouvera Valérie Damido ce matin pour tout défoncer. Parce que Valérie Damido, elle défonce tout. Rappelez, elle défonçait tout dans les maisons d'M6 là. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Vladadam. Alors, ouais, avec les Américains, c'est plus compliqué là, parce qu'on me dit, moi, j'aimerais bien être réveillé par Justin Timberlake. Je sais, mais si on appelle les gens avec Justin Timberlake, ça va pas être simple. Ouais, bah tiens, il y a Yonzo qui nous dit Jean-Claude Van Damme, on l'a déjà fait. Hein. Ouais, on en fera peut-être un avec Jean-Claude Van Damme, c'était marrant ça. Cyril Hanouna, parce que c'était trop marrant. Soprano Baba, Soprano, qui sera ce soir en direct de Marseille sur Skyrock. À 20h en direct du Vélodrome, c'est à pas louper, hein. Grand rendez-vous ce soir, 20h, ouais. 21h. Le Vélodrome, Fred, l'album de Soprano à découvrir, ils sont ouais. aujourd'hui. Et un gros Planète Rap juste avant notre radio libre. Apollo 91 du c'est Vegeta de DBZ. Waouh, waouh, du DBZ, pourquoi pas. Ouais. On pourrait faire Tortue Génial. Oui, on pourrait faire. Oh, Scooby-Doo aussi. Scooby-Doo le chien. Scooby-Doo. Bon, dans un instant, on va retrouver nos stars pour le réveil de stars. Et notre première star, c'est Jean-Marie Le Pen, parce que Romano, tu l'as loupé. En plus, on l'a passé. En plus, je suis fan. Oui, je sais que c'est une de tes stars préférées. Jean-Marie revient vite. En plus, on l'avait mis tard. C'est quand qu'on l'a mis? On l'a mis mercredi matin. On voulait mettre tard mercredi matin. Mais attention, t'aurais rigoler. Pu le mettre tôt, j'aurais pas entendu non plus. Moi, j'étais aux toilettes. Donc. Eh bien, on va le mettre tôt aujourd'hui pour ceux qui l'auraient pas entendu mercredi. Bon, de l'inédit avec le réveil de star de Valérie Damido. Et puis, on va parler justement des stars. Et ce matin, vers 6h20, on jouera à l'invité mystère. Et on va découvrir les stars au lit et les stars affichées par leur ex. C'est un peu comme la vengeance des ex. Ouais. Mais dans le monde du showbiz. Et ouais, parce que les stars sont pas forcément des bons coups au lit. Vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure dans le morning à 6h20 avec votre PS4 à gagner. Et puis du bon son pour se réveiller. Merci pour tous les messages en note pour les réveils de stars. On va vous préparer tout ça là. On va démarrer avec Designer Panda Panda. Bra. Juste après, on écoutera du PDD avec I'm Coming Home. C'est un grand souvenir. Peuvent dédier à retrouver. Ouais. Qu'est-ce qu'on va écouter d'autre? Du Booba aussi, le nouveau Booba, DKR. Et puis du Calvin Harris, du Rihanna. Salut Booba, comment vas-tu? Ça va. The Weeknd, Daft Punk, Ken Jones, Soprano, du Drake. Enfin bon, je vais pas vous lire tout ce qu'on va passer ce matin, mais ça va être une matinée de folie. Et évidemment des chèques de 1 500 €. On en reparle tout à l'heure, mais il y a 1 500 € à gagner toutes les demi-heures. On commence dès 6h30. Coucou Quentin de Besançon, coucou Émilie Damien. Bravo à tous les deux. Et on démarre tout de suite à 6h05. Bah oui, c'est l'heure. Avant le réveil de star Jean-Marie Le Pen, c'est mon préféré. Faites-en un autre pour Foucault sur SMS. Bonjour Foucault sur SMS. Yavol. Bon, il y en a un qui arrive là. Un des meilleurs, celui que je préfère. C'est parti avec Designer Panda. Et après, bah, on reste chez les animaux. Allez, Le Pen arrive. Allez. De 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Petite punchline, hein. Rigolo, hein? C'est parti fort ce matin. Allez, on y va, Panda sur Skyrock. Bon réveil dans le morning. Il y a DJ Roro aussi qui viendra tout à l'heure. Hein. On va faire la fête. Ouais, c'est vendredi. Fête du vendredi. Un petit tour chez DJ Roro un petit peu plus tard dans la matinée. On a le temps, on est là jusqu'à 9h. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Way and see, family. Pocket swoop, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted to be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the loose in the van. Legacy, family. Way see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Way see, family. Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shoot, sip it fine. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to lettuce shoot. They be acting rats, I know we clavish you. I be pulling us up in the finest shoot. I got plenty of stuff, but Bugatti, but look how I try to shoot. Legacies, final, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no nigga, they come and kill you on the comma. Broly is dancing, big. get in the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got people pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of the money. No some killers pull up in the inner, baby. CTDD pull up in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby, you trinning. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the boom, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, phantom. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacies, phantom. Way and see, phantom. Pocket swole, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your banner. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, phantom. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, phantom. Why is it panda? Package woke, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they can pull up your banner. Hope the killers understand me. Designer sur Skyrock et Panda pour se réveiller ce matin à 6h09. Bon réveil à vous, on est vendredi et oui, c'est le week-end, c'est cool. Oui. Le week-end qui arrive. Merci pour les messages que vous nous avez laissés. Vous nous faites des propositions pour des réveils de stars. Moi, je vous ai choisi ce matin le réveil de stars de Jean-Marie Le Pen. C'est pas. Alors, celui-ci là, c'est un. Attention, c'est un collector de réveils de stars. Ah ouais. Tout à l'heure, de l'inédit avec Valérie Damido pour fêter son entrée et peut-être sa sortie immédiate de Danse avec les stars. Non, bah non, parce que la première semaine, ils en éliminent pas quand même, histoire qu'il y en ait au moins qui fasse deux semaines, quoi. Moi, je pense que Julien Lepers, on en parlait ce matin dans Danse avec les stars, va pas tarder à se faire dégager. Non, je pense qu'ils vont dégager les moins connus, tu vois. Par exemple, j'ai vu, il y a 2-3 mecs. Moi, mais... j'ai vu une bande-annonce sur TF1, Danse avec les stars, mais il y a des mecs et des meufs. Il y a Barbus, là, comment il s'appelle? Artus. Ah, mais c'est, non, mais ça, il est connu, c'est un comique. Ah ouais, c'est qui? Mais il est connu par qui? Bah, attends, par Sam des réseaux sociaux. Non, mais peut-être que c'est un pote à toi, mais Non, mais après, ceux qui sont pas connus. La majorité, quand même, ne le connaissent pas, ce sans doute brave garçon. Non, mais après, il y a un mec qui a fait Koh-Lanta il y a 5-6 ans, je crois. Ah bah il est star. Voilà, lui il est vraiment pas connu pour le coup. Il y a José de la Buvette également. À côté, ouais. Bon, on retrouve Valérie Damido dans une heure pour le réveil de star. Merci les messages que vous nous avez laissés. Et justement, on nous parlait de Julien Lepers. C'est Auguste qui a dit Julien Lepers trop drôle, trop rigolé l'autre jour avec lui dans le morning. Bah tiens, mais moi aussi. Ah oui, je crois que tu avais parlé dans Danse avec les stars. Parce que je pense que lui, dans Danse avec les stars, vu la bande annonce, ça promet. Hein. Il va être super, lui. Il va manger la tête à tout le monde au bout de 10 minutes, vous allez voir. Ouais, c'est ça. Peut-être le faire sortir à cause de ça d'ailleurs. Alors vos propositions, vous nous proposez Stan de South Park. Vous êtes plusieurs à vous proposer Stan de South Park, ça m'a étonné. Je pensais pas que vous pensiez à Stan. On avait fait un South Park, hein, avec ouais, les stars. Ouais. Eric Cartman, exactement, bien vu. Jules pour Rémi Denis, François Damiens pour Adam du 59. Moi, j'aimerais bien être réveillé par l'artiste. Ah, l'artiste. Ah oui. Ce rappeur. Ouais. Gad Elmaleh, réveil de ouf avec Gad Elmaleh. C'est vrai qu'on n'a jamais fait Gad Elmaleh, ouais, pourquoi pas. Ouais. Michel Simès, DJ Roro, Johnny Hallyday. Ah, que coucou. Je sais pas ce qu'il va dire Johnny Hallyday, parce que parfois on ne comprend pas ce qu'il dit, hein, sinon. Non, j'allais dire Adrien, mais non, c'est pas le même. Maître Gims. On en a fait un bon avec Maître Gims, là. Bon, on a noté en tout cas tous les messages, je peux pas tout vous lire. Vous êtes déjà déchaînés les 6h du matin, ça fait plaisir. Bon, donc, les réveils de stars, vous demandez, tiens, continuez à laisser vos messages si vous venez de vous réveiller. Vous nous demandez, les stars que vous aimeriez retrouver dans le réveil de stars, les stars qu'on met en contact avec les familles. Eh bien, voici tout de suite, mon préféré. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Bonjour. Ça va bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Hein. On va le retrouver tout de suite avec Régis. Et Régis et Jean-Marie, à 6h11, ça donne ça, écoutez bien. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Allez, Romano. C'est bien que t'aies pas été là mercredi, tu l'as pas entendu celui-ci. J'en profite. Écoute bien, tu vas pouvoir en profiter. Bonjour. Bonjour. Est-il exact que vous ayez la double nationalité? Ah non. Vous êtes algérien ou vous êtes français? Vous êtes turc ou vous êtes français? Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Je suis français. Vous plaisantez ou quoi? Si ça vous fait plaisir, venez.

fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars died. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sur Skyrock, le son de P. Diddy, Diddy et les Dirty Money qu'on écoutait sur Sky. Tu l'avais chanté ce morceau en live avec P. Diddy. Oui, bah tout seul, il était ivre mort. Donc c'est vrai que le jour où il était venu chanter ça, il était bourré, il revenait d'un petit repas, d'un gros repas même, où il avait bu le vin français. Et le vin français, Diddy, il adore, mais il adore trop. Ouais. Il était arrivé, premier truc qu'il a fait, hop, tour aux toilettes, il a vomi P. Diddy. Nous, on peut dire qu'on a vu P. Diddy vomir, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Ouais. P. Diddy et les Dirty Money qu'on écoutait avec Comme In Home, du son à écouter sur Skyrock avec. Chris, ah bah tiens, des stars, on va retrouver là. On va retrouver Calvin Harris et Rihanna. Parlera peut-être de ses aventures avec Chris Brown, on verra. Chris Brown est à nouveau à l'attaque. Hein. Ah. Ouais, il a posté un petit truc, il veut retrouver Rihanna. Très bien. Voilà, parce qu'il sait qu'elle a été larguée par Drake cette semaine, on en parlait. Donc Chris Brown revient. Mais c'est un vrai feuilleton, les stars américaines. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est difficile à suivre. Ils sortent ensemble, ils s'engueulent, ils ressortent ensemble, ils se réengueulent, ils se séparent, ils se font cocu. Elle sort avec Drake, elle se fait larguer par Drake, elle ressort quand avec. Chris Brown est sur le coup, ça fait bien 2-3 ans qu'il lui a pas mis une patate à l'autre. Ouais. Hein, Chris Brown. Ça lui manque, hein, de boxer Rihanna. Bah oui. Fuck you. Oh, Romano, Chris Brown, il est pas content. Attention, Chris Brown, on tape pas les femmes, sinon. Fuck you. Oui, bah, j'arrive. Ouais, moi, j'arrive, j'envoie des foules. Ouais, j'arrive, Chris Brown. Voilà. Bon, on va parler des stars internationales, les stars du foot aussi, peut-être, les stars du rap, c'est sûr, qui, sont pris la tête avec leurs ex. Elles, ils sont fait, ou elles se sont fait, on va voir, hein, affichés par leurs ex. Ah, genre, les ex, ils parlent mal après, quoi. Ouais, ça parle mal après, les ex. Alors, on va tout savoir, parce qu'on en a plein, des stars à retrouver, et notamment, comme on dit en français, notre invité mystère qui est dans la liste ce matin. L'invité mystère. What? Écoutez bien cet invité qui va dire Skyrock. Skyrock Radio. Qui c'est? Vous l'avez reconnu? Oui. Oui. J'ai reconnu tout de suite. Moi aussi. Vous nous dites qui est donc cet invité mystère? Yo, l'invité mystère. It's really exciting, man. I'm super excited. Il est super excité, c'est normal. Il vient nous rendre visite dans le morning. Il était venu nous voir à Skyrock, à plusieurs reprises d'ailleurs, dans la radio libre. Mais qui est donc cet invité mystère? Ça fait un moment qu'on l'a pas eu en invité mystère. Et ça fait même un moment qu'il a pas sorti de son. Donc vous le reconnaissez, vous l'avez reconnu, vous nous envoyez vos messages dès maintenant pour gagner la PS4 Slim. Vous voulez votre PS4 dès le réveil, eh ben allez-y, tentez le coup. Il ne s'agit pas de Chris Brown, il ne s'agit pas de Bruno Mars. On l'a écouté dans la semaine en plus, dans le morning, avec un grand souvenir. Il ne s'agit pas du grand Wiz Khalifa non plus, je dis les messages que vous envoyez. Jay-Z non plus. Ni de Lil Wayne, ni de Jay-Z. Vous allez nous faire ni de Sean Paul. Tout le rap américain, j'en suis non, sûr. Non, ce n'est pas Mike Miller. Wiz Khalifa non plus. C'est lui. Sous mes boules. Qui voilà. C'est ah, ouais, là, c'est cadeau. Hein. Ah, là, c'est facile. Parce qu'il parle français en plus. On lui avait appris à parler français. Sus mes boules, il le dit très bien. Hein. Ouais. Bon, notre invité mystère à retrouver. Allez, fais-nous un truc classe. Merci. Ah, c'est lui. L'appétit. Allez, vous le retrouvez, vous nous envoyez des messages, vous gagnez votre PS4. La PS4 Slim a gagné à 6h21. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims. Et Soprano. C'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Tout sur Skyrock. C'est Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Ouais, et envoie roulette par SMS au 720 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigand. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Eux sont les caïnes d'une cité. Oui, je suis colombien aussi. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Jouer. La pièce, les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tonio Life. Est-ce que t'en as une de pièces? La pièce, les derniers seront les premiers. La partie commence actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end.

Kader, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Eh ben écoute, sois le bienvenu, Kader. Merci. Tu as reconnu notre invité mystère, Kader. Oui, c'est Eminem. Eminem. Yo, et tu viens de gagner ta PS4 Slim. Tu es le numéro 1, premier cadeau de la matinée. Le numéro 1, c'est toi. Bravo, Kader. Merci, merci. Bravo, Kader. La PS4 Slim. Oui, Eminem qui avait eu. On va parler des stars et de leurs ex, hein, et leurs ex qui parlent de leur performance au lit. On va tout vous dire ce matin. Eminem, d'après toi, c'est un bon coup au lit, Kader, ou pas? Je sais pas. Ouais, tu n'as pas couché avec lui, j'imagine. Je sais. Mais comme ça, de. Mais... Je ne comprends plus ce que tu dis. Je ne comprends plus ce que tu dis. Ouais, tu t'es éteint, là. Je t'ai ému avec Eminem au lit. Tu t'es imaginé avec lui. Ça t'a tout excité, dis donc. Pose-moi des stars. Pour moi, la question sur des stars féminines plutôt. Comme ah, les stars féminines. Alors, Kim Kardashian. Alors, j'ai rien sur elle au lit parce qu'elle n'a pas. Elle s'est pas encore séparée de Kanye West. Ils sont toujours ensemble. De toute façon, Kim Kardashian, tu peux juger sur pièce. Elle a fait du sextape, donc tu vois comment elle baise. Ouais. Alors, justement, on parle de star féminine. Voici Maria Sharapova, la tennis woman, qui est sortie avec Adam Levin. Exactement. Et Maroon 5. Lui, il a parlé d'elle au lit. Il a dit, vous n'imaginez pas à quel point j'étais déçu. Je pensais, comme beaucoup de garçons, qu'elle serait plutôt du genre à faire beaucoup de bruit. C'est parce qu'ils font du bruit, les tennismen, quand ils jouent. Ouais. Ah, surtout elle hurle. Ah, ouais, bon. C'est la première balle, elle hurle. Ouais. Bon, a priori, elle hurle que sur le court de tennis. C'est elle. Ouais. Et Oli, elle fait plus rien. Non, Oli, elle fait rien. Oli, elle ne faisait aucun bruit quand on faisait l'amour. Elle restait allongée comme une grenouille morte. Et elle s'est même énervée quand je gémissais en disant que je lui cassais toute sa concentration. Vous imaginez la prise de tête de baiser avec Maria Sharapova? Ah ouais. C'est pas bon. Hein. Oh. Ouais, c'est ça, Maria. Sinon, des révélations. Alors, des révélations, Eminem, pourquoi on en parlait? Kim, sa femme, a fait des révélations en disant qu'il était un bon père. Par contre, au niveau de la sexualité, elle a dit, si vous voulez faire des trucs avec Eminem, Marshall Mathers, si vous voulez faire un truc avec Marshall, vous devriez venir avec une petite pilule bleue, parce qu'autrement ça ne marche pas. Ce à quoi a répondu Eminem, t'as vu la gueule qu'elle a, c'est elle qui m'excitait plus. Voilà, c'est bon, ça balance pas mal. 50 Cent aussi a eu des problèmes avec une danseuse exotique avec laquelle il avait couché. Elle a déclaré que... Une danseuse exotique, en gros c'était une pute quoi. Voilà, ouais. Que le rappeur 50 Cent se comportait comme un gamin de 14 ans au moment de prendre les devins, et que son célèbre Magic Stick ne dépassait pas les 15 malheureux centimètres. Elle a menti, puisqu'après 50 Cent a fait une photo de lui avec un espèce de boxer et une bite non, c'est énorme. Non, c'est The Game, gros. Ah, aussi. Oui, il a fait aussi. Il y avait Chris Brown aussi. Lui, il avait même pas de calbut. Lui, il avait montré sa bite. Lui, il avait sorti le rôti, quoi. Et Drake, c'est difficile de faire l'amour avec lui. C'est une de ses ex qui a couché avec lui et qui disait, lui, il voulait tout le temps se regarder dans le miroir. Donc c'est un amant égoïste. Drake se regarde en train de faire l'amour. C'est comme un YouPorn mais à la maison avec toi dedans. Voilà, en fait tu comprends pourquoi Rihanna l'a largué. Et Taylor Swift. Ah, Taylor Swift. Bon, elle est fatigante parce qu'elle passe des heures à embrasser, rouler des pelles, embrasser, rouler des pelles. Et puis c'est tout. Ça, c'est selon plusieurs de ses ex qui ont déclaré ça. Taylor Swift ne serait pas si chaude que ça au lit. En tout cas, mais moi je ne la langue. L'ai pas, moi. Qu'elle n'est pas chaude au lit, mais c'est confirmé, je Romano. Pense qu'elle aime pas la quéquette, ça se voit. Bah, elle aime la langue. En tout cas, la langue, elle adore. Oui, mais bon, au bout d'un moment, bon, elle est quand même grande maintenant. Ah, bah, c'est une grande fille. Mais bon, quand t'es encore jeune, ça va, mais passer un certain âge, il faut quand même aller plus loin que le bisou, quoi. Les stars au lit et les ex qui balancent, ça te permet de gagner ta PS4 Slim. Kader, on t'envoie ça direct à la maison, c'est parti. Merci beaucoup, toute l'équipe. Salut, Kader. Bonne journée à toi, Kader. Ciao, Kader. Oh, on entend le dernier Booba là derrière moi. C'est ça? C'est DKR. C'est DKR. Booba, le nouveau Booba et les infos juste après. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Comme entre Dieu, mais oh, je suis médaillé. Pas mon lance négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as un là, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te maillé. Ton autre famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour maillé. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, fait des dégâts. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Sers-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te maillé. Ton enfant, il sera pris otage. À quoi sert de client en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour maillé. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais les moulins l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mama Kosa, FLO, Mara, Salva, Trocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribard de bombardier, j'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Première roue arrière des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer l'écran. Le nouveau Booba sur Skyrock. Et oui, Booba et DKR pour se réveiller ce matin. Et attention, ils arrivent, ils sont là. Soprano avant 7h, Ken Jones avant 7h. Et juste après les infos, The Weeknd, le Canadien The Weeknd et les Daft Punk qu'on va écouter sur Sky. Ouais. Ça c'est super, ça s'appelle Starboy. Le reste aussi, c'est pas mal. Hein. La star des infos, la voilà. C'est Rémi. Rémi l'Américain. Rémi, the American boy of the news of Skyrock Morning Show. Ouais, on va le retrouver. Tu veux tout qu'on t'appelle Rémi Trump. Rémi Trump. Pour les infos sur Skyrock. Le point sur l'actu. Dans un instant, Romano, tu nous fais le point sur tes conseils pas chers. Ouais, ce matin, un peu conseil pas cher spécial filles pour commencer. Oh, les filles, vous en avez de la chance. Un objet pour vous, les filles. Magnifique. Ah, un truc que vous allez kiffer. Et on parlera des Français, de leur téléphone. Nous et nos téléphones, ce sera le sondage du morning qu'on trouvera juste avant 7h. L'horoscope à 7h10, 7h15. Et les infos avec Rémi. Et bien sûr, juste après, quoi donc? La météo. Non, les 1500 euros, probablement. Absolument rien. Les 1500 euros, bah, ça serait 1500 euros. Rien, il est vraiment américain. Non, mais c'est Rémi Trump, en même temps. Les 1500 euros, oui, juste après les infos. Et la météo, ça, c'est pour démarrer. Les trucs dans l'ordre. C'est parti Rémi, météo pour aujourd'hui. Ouais, toujours beaucoup d'eau dans l'Hérault en vigilance orange, pluie, inondation. Plusieurs routes sont coupées là ce matin. Les établissements scolaires restent fermés. Les pompiers sont intervenus plus de 150 fois cette nuit entre Pézenas et Béziers. Alerte orange aussi pour le Gard, l'Aude, l'Aveyron, le Var. Côté ciel, eh bien la journée sera pluvieuse à l'est, même orageuse dans le sud. Plus calme et ensoleillée sur la façade ouest. Ça ira bien mieux demain et dimanche avec le retour du soleil partout, sauf sur le nord-ouest. Les températures en hausse ce matin puisqu'elles sont comprises entre 5 et 15 du nord au sud, 9 à Paris, entre 12 et 16 au nord de la Loire cet après-midi, de 17 à 21 dans le sud et même jusqu'à 25 pour les Champs Corse. Et puis la pollution, ça reste impeccable. Les indices sont compris partout entre 2 et 4. Et attention, il pleut d'ailleurs du côté de Nice ce matin. Et il pleut moins, c'est Kevin qui nous laisse le message dans le 34. Bon, on vous tient au courant tout au long de cette matinée. Les infos tout de suite, c'est parti, l'actu et le sport. 7 candidats pour la primaire de la droite et du centre et plus de 2 heures de débat hier sur TF1. Tous les sujets ont été abordés, de l'économie à la sécurité en passant par l'emploi. Personne ne s'est vraiment démarqué, mais tout le monde est d'accord pour fustiger la politique de François Hollande. Le ton est légèrement monté entre Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Le maire de Meaux en Seine-et-Marne s'est attribué la loi sur la burqa. L'ex-président lui a répondu qu'il était bien incapable, hier comme aujourd'hui, de lui imposer quoi que ce soit. Alain Juppé, en tout cas, en favori, est resté en dehors de la mêlée et a fait le service minimum. C'est d'ailleurs lui qui est donné gagnant de cette émission. Selon la presse ce matin, un premier sondage estime que 35% des téléspectateurs l'ont trouvé convaincant. L'agriculture qui sera à coup sûr l'un des enjeux de la prochaine présidentielle. Le monde agricole se porte de plus en plus mal. Le nombre de suicides aurait triplé cette année. 30% des agriculteurs ont des revenus équivalents à 354 euros par mois. L'épilogue aujourd'hui du procès des parents du petit Lohan, l'enfant de 4 mois, est mort sous les coups de son père en 2014 et le couple avait fait croire à un enlèvement. Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion, 5 ans pour sa compagne qui ne l'a pas dénoncé. Le verdict sera rendu dans la journée par la cour d'assises de la Creuse. Du retard dans l'acheminement humanitaire en Haïti, l'île est meurtrie après le passage de l'ouragan Matthew. À cela, on peut ajouter le choléra et l'attaque de convois humanitaires. Des groupes profitent du chaos pour détourner les camions avant qu'ils n'arrivent dans les régions où les besoins sont importants. Acte dénoncé par le directeur du programme alimentaire mondial. La Chine qui continue de mettre la main sur le foot français après Sochaux et Nice. C'est un club mythique qui passe sous pavillon chinois. La JOCR et son stade de la Baie des Champs seront vendus jeudi prochain. Le club bourguignon qui évolue en Ligue 2 sera racheté pour 7 millions d'euros. Eh ben très bien, dis donc. Ah ben peut-être bientôt le retour en Ligue 1. Eh ben voilà, ton équipe est chinoise maintenant. Un bon tour. On habite à Auxerre. Et merci pour les infos Rémi, on t'entre dans une demi-heure. Ouais, à tout à l'heure. Pour la suite, il est 6h36. Le morning de Difool, 3 heures de déconne en direct tous les matins sur Skyrock. The morning show. Oui, le morning show. Et un morning international ce matin, on a parlé de stars américaines. américaine, on a parlé de stars françaises également, on a eu Jean-Marie Le Pen tout à l'heure en réveil de stars. Ah bah une sacrée star. Dans une demi-heure, du lourd, on retrouvera, oh, trop drôle, Valérie Damido pour le réveil de stars, ce sera à 7h10. Elle arrive dans Danse avec les stars et ça nous a donné envie de la retrouver. C'est vrai qu'on la voit moins à la télé, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Oui, oui. Ça fait un peu de vacances, ça fait du repos. Mais bon, elle était sympa, elle criait, elle cassait des murs. Bonjour les amis! Elle décorait des maisons. J'ai mis ma salopette! Super Valérie, prépare-toi à 7h10, réveil de star tout à l'heure. Je peux casser un mur? Non, pas ici, pas ici. Il y a voisins, ils dorment. Non, elle a cassé un mur. Elle peut pas se retenir, c'est ouf. Hein. 7h10, on va voir comment elle a accueilli par les familles de France. Il aime bien les gens, là, elle, hein. Ouais, bah j'espère. J'espère aussi. J'espère pour elle. On fera le test tout à l'heure. Bon. Romano, les conseils pas chers, c'est-à-dire un conseil pas cher, pas faire spécial fille. Oui, un objet pour vous les filles. Un objet pour vous les filles. Qu'est-ce que c'est? Off, allez, un balai. Excusez-moi, les filles. Non, un objet pour les filles, mais qui peut aussi servir aux garçons dans certains moments. Un objet pour les filles qui peut aussi servir aux garçons à certains moments. Une poêle. Ah, Romano, une poêle. Bah non, mais tout. Bah balai. Moi, c'est moi qui fais le ménage chez moi. Hein. C'est vrai. Bah ouais. C'est bien. Ouais. Oh mais quel mytho. Bah si. Il a une femme de ménage. Bon, on s'en occupe dans un instant. Donc tu vas nous expliquer tes conseils pas chers, Romano. Ouais. Magnifique objet. J'ai envie d'en savoir plus. Ah bah puis là, je pense que les familles, elles vont être contentes. J'espère aussi. Bon, on se fait le sondage du jour. On va parler de nous et du téléphone ce matin. Ouais. Et ouais, les prises de tête, peut-être avec les téléphones. On verra tout ça. Et puis évidemment, du son à écouter, mais bien sûr, vos 1 500 € à gagner. Un petit conseil, inscrivez-vous au 7-20-20. On fera au moins un tirage ce matin, un même deux, tiens, on verra. Un tirage sur le 7-20-20. Donc vous vous inscrivez maintenant et on vous appelle tout à l'heure peut-être. Eh ben oui, c'est comme ça que ça marche. À 7h, 7h30, 8h, 8h30, on va voir. Hein. Et on va même commencer maintenant avec la première enveloppe. Elle est là, l'enveloppe. 1 500 € à gagner dedans. Je vous ouvre tout ça. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. On y va. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui, 1 500 € à gagner. Et pour qui ce matin? Eh bien ce matin, on file chez les Lyonnais, dans le 69, et on va à Mions. Je connais bien la région, mais je connais pas où c'est Mions, dis donc. Dites-moi où c'est. De Lyon. C'est dans le 69, on n'est pas très loin, oui. On est chez David, il est déjà là. Bonjour David Pérez. Oui. Oui, bonjour Monsieur Pérez, comment allez-vous? Absolument, oui. Vous êtes qui? Oui, non, c'est la radio Monsieur Pérez. Oui, mais vous rendez compte de quelle heure il est? Ah bah oui, j'ai une pendule sous le pif. Donc, il est 6h39 Monsieur Pérez. C'est des allergies, moi. Ah, j'ai un ami, il est allergique à vous, dites donc. Oh, c'est gentil, terrible ça. Bon, Monsieur Pérez, on déconne, mais on vous appelle pour vous offrir 1 500 € ce matin. Ah, très bien, oui. Il faut répondre à une question. David, si je vous demande quelle est votre radio préférée, qu'est-ce que vous me répondez? Énergie. C'est pas la bonne. Et alors, nous, c'était Skyrock, monsieur Pérez. Tant pis. On va quand même vous souhaiter une bonne journée. Merci. Malgré tout. Bon, désolé de vous avoir réveillé. Vous réveillez à quelle heure d'habitude, vous? Là, j'étais de repos. Ah merde, ouais. Ah, on est mal tombé, tiens. Dommage, la grasse matinée. Donc, on saura le vendredi, faut pas vous appeler, vous. Voilà. On va le marquer sur l'agenda. Merci. Ah, bah, sinon, la prochaine fois, Skyrock et ses 1 500 € dans la poche. Bah, très bien, merci beaucoup. On vous embrasse, monsieur Pérez. Bonne journée. Bon, au revoir. Et bon repos. Et bon repos et à bientôt sur Skyrock, bien sûr. Bien sûr. Au revoir. Et 1 500 € à gagner, on recommence dans une demi-heure. Hein. Vous inquiétez pas, on vous appellera peut-être tout à l'heure, juste après 7h. Votre chèque de 1 500 €, il est 6h40 et c'est The Weeknd tout de suite sur Sky. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait des réveils. The Weeknd et les Daft Punk. Ça, c'est une découverte Skyrock. Une découverte du morning, en plus, on vous l'avait passé dans le morning. Ouais. Et ouais, première fois, c'était sur Skyrock. The Weeknd et Daft Punk. Starboy, à 6h40, juste avant les conseils, pas cher. Oui. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. If I kill any pain, look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. piece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my cup, I kill any pain. Look what you done. Nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. Talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Starboy, le son de The Weeknd sur Skyrock. The Weeknd et les Daft Punk à 6h43. Allez, on vous prépare Soprano avant 7h et Ken Jones qui arrive tout de suite. Mais avant ça, les conseils pas chers sur Sky. Monsieur Poubelle a inventé la poubelle. Et Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique. Et oui. Les conseils pas chers, c'est Romano. Et oui, c'est lui qui les a inventés. C'est à lui, c'est ses conseils pas chers tous les matins aux alentours de, allez, moins quart, moins vingt. Copyright Romano. Copyright Romano. De quel objet tu veux nous parler ce matin? Écoutez bien les filles, c'est pour vous. Un magnifique objet. Bon, oui. Les filles, une fois par mois, vous avez vos règles. C'est ça. Voilà. Et là, un magnifique objet. C'est quoi? Un tampon? Non. Oh, mieux que ça. Ah, mieux qu'un tampon. Mieux que ça. Pour les filles qui vraiment auraient envie de faire des câlins, pendant tout le mois, sans exception. Même pendant les périodes, comme ouais, on dit. C'est ça. Eh bien, l'objet qu'il vous faut est là. Ça s'appelle le 8 Flex. Un mec a inventé le 8 Flex pour faire l'amour. Tout terrain, on va dire ça comme ça. Voilà. L'amour tout terrain. Ouais. Alors l'objet c'est simple, bon c'est fait comme un tampon, oui. Sauf que ça n'a pas la forme d'un tampon, c'est la forme d'un donut. Oh. Mais c'est aussi gros qu'un donut. Non, c'est quand même un peu plus petit. Ah, tant mieux pour vous. Oui. C'est au niveau de la, bah, sauf pour les filles qui ont une très grosse minette. Oui, oui, oui. Mais là, donc c'est à la forme d'un donut. Les filles se mettent. Faut pas ça. Se tromper, faut pas laisser traîner ça sur la sur la table le matin au réveil si vous avez des enfants par exemple. Hein. Ouais, c'est ça. Ils pourraient avoir envie de se régaler. Donut à la fraise. Eh bien, les filles se mettent ça. Et en fait, il y a juste le trou pour le sexe de l'homme. Et ça permet de... C'est étanche, quoi. Ça doit être très sexy, ah ouais. Sur l'amour avec ça. Ça, vraiment, c'est un Américain qui a inventé ça. Oui, c'est un Américain, ouais. Ils sont forts, ces Américains. Eh, le premier tampon périodique tout terrain. 12 heures à la suite, tu peux le garder. Oh, magnifique. Donc, protection en forme de disque. Mais vous rigolez, vous savez que c'est un succès de fou aux États-Unis. Un carton. Carton. Voilà, le donuts pour Minette. Et c'est ça que tu veux vendre aux gens ce matin? Ouais, exactement. Ouais. Donc tu as pris des vrais donuts. Hein, ça, ouais, ressemble, c'est ça. Ça ressemble au truc. Bon, j'étais en galère de donuts, j'ai pris des bagels aussi. Oui, j'ai vu que c'est un peu gros peut-être. Bon, ben on y va. Là. Allez, c'est parti. Allez, magnifique objet, le 8 Flex. Ouais, parce que pour vendre des trucs, il faut toujours se mettre sur les nouveautés. Et Romano, t'es à fond sur les nouveautés, ça fait 17,96€ pièces quand même. Ah, ils se font pas chier, ouais. Allô? Gilles. Allô, c'est Gilles? Oui. Oui, bonjour Gilles, comment vas-tu? C'est qui? C'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Je t'appelais pour te proposer un magnifique objet. Tu as une femme? Monsieur qui? Monsieur Lapin, tu as une femme? Ouais, pourquoi? Ouais. Il y a un cadeau pour elle. J'ai un cadeau pour elle, un truc magnifique, ça s'appelle le 8 Flex. 8 Flex. Tu vois à quoi ça ressemble, un donut? Pas du tout. Un donut, c'est une espèce de truc rond. Tu sais, le truc mange Homer Simpson, là. Oh, le donut. Le donut. Ouais. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est pour ta femme, pour qu'elle, pour que vous puissiez faire l'amour tout terrain, si tu vois ce que je veux dire. Tu te mets le donut, et hop, ça arrête tout. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas besoin de ça, moi. Ah, parce que tu vas, t'es tout terrain, toi. Ah bah, pas de problème. Ah, pas de problème. Chemin boueux, tout ça, aucun souci. Là là. Un tampon, c'est pas dans le chemin boueux, Romano. Non, tiens, pas le donut. Tu prends le donut, après c'est le donut au chocolat. Donc non, c'est un objet exceptionnel. Faut que tu l'essayes. C'est un truc qui vient des États-Unis. On l'a pas encore en France. Ça va arriver bientôt. Là, je suis l'importateur officiel. Eh, hey, je te le fais à. Vous vous ennuyez ? Vous vous ennuyez ce matin ? Ah, non, pas du tout. Ah bah là, attends, moi je te rends service. Je te le fais à 50 euros au lieu de 100. Non, mais j'ai pas besoin de ça. Allez, je vais passer chez toi. T'es chez toi là, de toute façon. À 7h j'arrive, je le place dans ta femme et après je vous regarde faire. Et pour passer un bon week-end, un petit cadeau à sa chérie, ça fait toujours plaisir, tu vas voir, elle va être contente comme tout. Quand elle va découvrir qu'on se met ça dans le. Eh bien voilà, ça lui fera plaisir. Eh bien j'arrive avec le donuts. Donuts. A tout de suite. A tout de suite, merci. Prépare les 50 euros. Hein. Ah, on est tombé sur un monsieur tout terrain. Ah, bon, hein. Il n'était pas contre à essayer. Hein. C'est nouveau, ça vient de sortir aux États-Unis hein, pour l'instant. Le 8 Flex. 8 Flex, tiens. On va vous mettre la photo sur les réseaux sociaux du bordel. Magnifique. Ouais. On a là, déjà la photo de la boîte, c'est déjà pas mal. Ils sont forts, ces Américains. Ah, qu'ils sont forts. Voilà, c'est ouf. Hein. Bon, quelle heure il est? Il est 6h47, ça veut dire que l'horoscope arrive dans un instant, dans une minute, votre horoscope. Et on va parler des Français et de leur boîte vocale. C'est un sondage. Le répondeur, quoi. Toujours. Le répondeur, ouais. Oui. Le répondeur, les Français, le téléphone et les Français, l'espionnage des boîtes vocales de son chéri, de sa chérie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les messages sur la boîte vocale et tout le reste aussi. Les galères avec la boîte vocale. Ouais. Les problèmes avec la boîte vocale. Tout ça dans le sondage du morning qui arrive d'ici 5 minutes. Hein, temps de se faire l'horoscope et d'écouter Ken Jones sur Skyrock. Ce sera Don't Mine. Il est 6h48. Bon, chéri. Pour l'appartement, toi tu veux un canapé en cuir, moi une méridienne en tissu. Et tu veux suspendre les plantes alors que moi je veux les poser sur l'étagère. Oui, et alors? Alors pour le bien de notre couple, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un. Profitez-en vite! Pendant les journées qui changent tout chez IKEA, des architectes d'intérieur vous donnent gratuitement des conseils en aménagement et décoration. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin IKEA, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Inscription préalable et conditions sur IKEA.fr. IKEA! Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Bonne journée, bon vendredi et l'horoscope de ce vendredi à 6h49 sur Skyrock. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Ouais, le répondeur, les messageries rendent-ils les Français fous ? Vous saurez tout dans un instant, mais d'abord l'horoscope de l'amour comme promis, l'horoscope de ce vendredi 14 octobre. On va commencer avec les Gémeaux et les Vierges. Vous avez zéro aujourd'hui en puissance amoureuse, c'est pas dément. Un peu de mal à reconnaître vos torts aujourd'hui. Ça vous donnera donc mauvaise presse, comme on dit. Relativisez, personne n'est parfait, faites-le comprendre aux autres et après tout ira bien. 1 sur 5 les Sagittaires et les Capricornes. Attention à vos petites piques. Ah, vous êtes piquants aujourd'hui. Quelqu'un pourrait vous en vouloir. Les petites piques, mais pas avec tout le monde alors. 2 sur 5 les Balances et les Lions. Si vous êtes célibataire, ne vous emballez pas trop vite si quelqu'un vous plaît. Et pour les couples, réfléchissez à un moyen de surprendre votre partenaire pour aujourd'hui, vendredi. Mm-hmm. On passe au 3 sur 5, c'est bien. C'est pour les Béliers et les Poissons. Les autres seront sympas avec vous aujourd'hui. Plein de sympathie autour de vous, on fera même des compliments. 4 sur 5, les Scorpions et les Cancers. C'est votre confiance en vous qui va attirer les autres. Ça vous aidera à arriver à vos fins. C'est bien, vous avez 4 sur 5. Et pour finir, les Taureaux et les Verseaux, 5 sur 5, on peut pas mieux. Ouais, ça va être chaud, chaud, chaud. Chaud niveau sexe, chaud niveau séduction. Chaud, chaud. Chaud partout en amour, c'est pour les Taureaux et les Verseaux. Et c'est 5 sur 5 pour vous aujourd'hui. Dans un instant, le sondage du morning. Vous et vos téléphones, est-ce que vous écoutez votre messagerie? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous énervent sur votre messagerie? Les messages. Est-ce que vous surveillez la messagerie de votre chérie? Toujours. Ah, toujours. On en reparle tout de suite. T'as la relou. Quoi. Le sondage du jour pour les relous et les autres. C'est pour tout le monde. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et c'est Ken Jones, celui qui fait Rona. Oh là. Ah. Oh là là. Ken Jones, c'est Don't Mind sur Skyrock. Oh là là. Et dans moins de 10 minutes, 1500 euros à gagner. Hein. Enfin, dans 10 minutes à peu près. Hein. 1500 euros pour vous sur Sky. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep hola como esta. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour madame. Then she says sabase. And I said na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said hola como esta. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour madame. Then she says sabase. And I said na boule. No matter where I go, you know I love. Ken Jones sur Skyrock avec Don't Mind. Soprano arrive et tout de suite le sondage du morning tous les matins. Un sondage qui nous permet de découvrir comment on est nous les Français. Bon, on est chiant, on est chauvin, on est chauve. Non, ah bah non, ça dépend des Français, regarde. Ouais, c'est vrai, pas tous. Ah non, bah non, t'as pas de cheveux. Ah non, t'as pas de cheveux. Non, ah, moi j'ai pas de cheveux moi. Ah non, t'en as sur les côtés, d'accord. Oui. Moi j'en ai plein, mais hein, Karim il en a encore quelques-uns, ça va. Ouais, mais c'est en train de se barrer, Karim. Les carrioles, elle en a, mais. Alors. Ah bah et puis pas que sur la tête. Bon, aucun rapport aujourd'hui, les Français et leur message. Téléphonique, voici le sondage du morning sur Skyrock. Le sondage du morning de Difool sur Skyrock. Alors moi ce qui m'énerve et ce qui m'agace, c'est le répondeur qui m'appelle pour me dire désolé, votre correspondant n'a pas laissé de message. C'est super, c'est Miss Stone qui nous laisse le message. Bonjour Miss Stone. Miss Stone, 29 ans, salut à toi. Voici donc le sondage du jour, les Français, leur téléphone. Quel est le nombre de Français sur 3 Français, combien n'écoutent pas leur messagerie vocale? 2. 1. Bonne réponse Romano. Et hop, un tiers des Français n'écoutent jamais sa messagerie vocale. Bah moi il y a rarement. Ah bah tiens Romano, tu fais partie des 33% des Français qui n'écoutent pas. Quand je vois qu'on m'a laissé un message. Bon, ça dépend ce que c'est, hein. C'est un truc de merde. Ou sinon, je rappelle direct. Il me dit, t'as écouté le message? Non. Non, jamais. Non. Il y a 25% des Français qui ne laissent jamais de message sur une boîte vocale. Ouais, ça dépend. Et alors, attention, on passe à l'espionnage maintenant des boîtes vocales. Attention, attention, les gars, les filles, ne laissez pas traîner votre téléphone car il y a 20% des Français qui ont déjà espionné la boîte vocale de leur partenaire. Ça veut dire que vous avez une chance sur 5 d'être espionné. Pourtant, il y a des codes, enfin, tu peux blinder tout ça. Il y en a 1 sur 5 qui arrive à espionner la boîte vocale de son partenaire. Ouais. 20%. Il y a déjà 1 Français sur 7 qui s'est trompé de destinataire en laissant un message sur la boîte vocale. Oui, ça arrive. Ça arrive, ouais. Oui. Alors, ma chérie, j'arrive, hein, lave-toi les fesses, il n'y a pas de problème. Là, c'est ta mère qui reçoit le message. T'es mal, man. Merde. Bah, moi, pas plus tard qu'hier, une de mes anciennes banques m'appelle, elle me dit, en fait, il y a quelqu'un qui est décédé, qui a le même nom de famille que moi. Et là, Romano se fait, ouais, super héritage. Non, mais il cherche des gens parce que le mec avait des assurances vie. D'ailleurs, je pense que je vais le faire passer pour quelqu'un de la famille, éventuellement. Oui, oui, effectivement, c'était mon bon. Bah oui, Romano, t'as peut-être un bel héritage. Il m'a tout légué. Là, la meuf va me dire, oui, mais il a 2 millions de dettes. Non, je ne suis plus de la famille. Ouais. Et puis, les Français qui galèrent à laisser des messages, t'as quand même un Français sur 8 qui a déjà enregistré un message, effacé, réenregistré un message, réeffacé.

ce soir en live en direct de Marseille au Vélodrome. Ils vont visiter le Vélodrome un an avant son grand concert au Vélodrome. Il fait le Vélodrome Soprano avec Skyrock. Oui. On le retrouve ce soir avec Fred dans Planète Rap entre 20 et 21, juste avant notre grande radio libre. Ce soir, logiquement, on se fait piquer pour la grippe. Oui. D'ailleurs, je lance un appel aux infirmières, Vous êtes infirmière. Vous voulez martyriser l'équipe de la radio libre, l'équipe de Skyrock ce soir entre 21h et minuit. Moi, et les vétos, on prend aussi. Hein. Ah, les vétos, évidemment. Oui, ouais, oui, ça fait des piqûres. Hein. Donc les vétos, les infirmières. Non, mais pour les infirmières, les vétos, c'est pas une blague. Hein. Vous nous laissez vos numéros et si ce soir vous pouvez venir nous piquer en direct. Aucun problème. Il n'y a pas de problème. C'est dans la radio libre. Ça sera ce soir entre 21h et minuit. Il est 7h02. C'est l'heure d'en trouver Rémi pour les infos. Et juste après, on vous offre 1500 euros. Et ouais, il y a 1500 euros à gagner. Il y a vos iPhone 7 à gagner tout à l'heure à 7h20 avec Info au Mytho. Et le réveil de star qui arrive, elle se prépare, elle est là. Bonjour les amis. Bonjour Valérie. Bonjour les amis. Comment ça va, monsieur bien? Ça va bien, monsieur bien. Ça va bien. C'est Valérie Damido. Oh, je sens qu'elle va être lourde. Ah, ça va être super. C'est Valérie Damido qu'on va retrouver dans le réveil de star. Allez, tout de suite, les infos, c'est parti. L'actu et le sport avec Rémi, mais d'abord la météo. Un petit coucou d'ailleurs à ceux qui nous écoutent dans le sud. On en parlait hier soir dans la radio libre. Ça flotte. Même si dans les messages, vous dites, ça se calme un peu du côté de Montpellier. Mais bon, tant mieux. Rémi, il sait tout, lui. Il va tout nous dire. Météo pour aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça se calme, hein, puisque l'Hérault n'est plus en vigilance rouge, mais en vigilance orange. Donc, Météo France reconnaît que ça va un petit peu mieux. Mais ça reste toujours compliqué, hein. Pluie, inondation, plusieurs routes coupées, les établissements scolaires qui restent fermés. Les pompiers sont intervenus plus de 150 fois cette nuit entre Pézenas et Béziers. Alerte orange également dans le Gard, l'Aude, l'Aveyron et le Var. Côté ciel, la journée sera pluvieuse à l'est et même orageuse dans le sud. Plus calme et ensoleillée, heureusement, sur la façade ouest. Ça ira bien mieux demain et dimanche avec le retour du soleil partout, sauf sur le nord-ouest. Les températures en hausse ce matin, comprises entre 5 et 15 du nord au sud, 9 à Paris, entre 12 et 16 au nord de la Loire cet après-midi, de 17 à 21 dans le sud et même jusqu'à 25 en Corse. Et puis la pollution, monsieur Nickel, les indices compris partout entre 2 et 4. On va écouter du Drake, on écoutera Matt Cohn, hein, c'est un beau souvenir ça, Don't worry by the way. Et puis PNL avant 7h30, mais tout de suite les infos et le sport. Avantage Juppé, après le premier débat de la primaire de la droite et du centre, le maire de Bordeaux a semble-t-il convaincu la presse et ceux qui ont regardé l'émission hier soir sur TF1. Il ne s'est pas vraiment mouillé et quand les affaires ont été citées, eh bien, il a su faire un mea culpa en estimant que le vote des Français décidera s'il peut ou non être à la tête de l'État. Et Nicolas Sarkozy, pour sa part, a été un petit peu attaqué par tout le monde et s'est montré plusieurs fois nerveux, voire même agacé. Au final, tout cela a été sans passion ni saveur, selon le Parisien. Le grand perdant s'appelle Bruno Le Maire. Le député de l'Eure n'a pas su sortir du lot. 20 ans de prison pour deux frères marseillais considérés comme des caïds de la drogue. François et Nicolas Banglaire ont été condamnés pour la séquestration d'un buraliste en 2010. Ils ont en revanche été acquittés pour une fusillade. Les jurés n'ont pas suivi les réquisitions prises par l'avocat général devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. L'avocat des deux accusés estime que la peine est un petit peu lourde et réfléchit à un éventuel appel. Attention, si vous jouez aux jeux vidéo en ligne, la sonnette d'alarme est tirée par des chercheurs grenoblois. Ils viennent de publier une étude qui démontre que les gamers sont souvent soumis à l'anxiété et à la dépression. Les joueurs mettent souvent en avant leur solitude et un échec scolaire dû à cet isolement. Les scientifiques parlent même d'un retrait social pour les plus accros. L'étude sera publiée le mois prochain dans une revue scientifique. Voilà, je vous rappelle l'étude aussi qui disait que les joueurs sur console étaient plus intelligents que les autres parce que plus vifs d'esprit. C'est pour équilibrer un peu. Ouais, c'est vrai, c'est un peu contradictoire. Bon, on fait le poids sur le sport maintenant avec du foot, du rugby et du basket. Ouais, 9e journée de Ligue 1, 2 matchs au programme si la météo le permet. En tout cas, Motad Monaco se déplace à Toulouse à 19h. Et puis une rencontre intéressante entre le leader et le 5e du classement. Nice accueille Lyon à 20h45. Et ce sera à suivre dans la radio libre. Qu'a répondu Griezmann à Ribéry? Eh bien, vous le saurez à 7h30. Il a fait une petite réponse, mais très, très humble, hein, il faut le dire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ribéry avait dit hier que Griezmann n'était pas un joueur de classe mondiale. Ouais. De classe mondiale. Contrairement à lui, j'ai que c'est encore dur. Contrairement à moi, il avait dit, ouais, c'est vrai. Du rugby, ça commence mal pour le Stade français. Les Franciliens ont raté leur entrée en matière sur la scène européenne. Défaite à l'occasion du challenge européen sur la pelouse des Harlequins. 43-21, les Parisiens ont été dépassés dès la première période. Et plus du basket avec le premier tour de l'Euroleague. Bonne entrée en matière du CSKA Moscou qui a dominé Galatasaray 109-84. Grosse prestation du français Nando De Colo qui a marqué 22 points au cours de cette rencontre. Ouais, Nando De Colo, très chaud. Bravo Nando, il s'appelle Nando. Bon réveil à vous, merci Rémi pour les infos. Et donc on attend les nouvelles de Griezmann tout à l'heure à 7h30. La réponse de Griezmann à Ribéry. À tout à l'heure. Hi, this is Rihanna. And my stay on the morning the D-Fool. Hey, what's up? This is 50 Cent. You're now listening to my homeboy, The Fool. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show! 6h-9h sur Skyrock. Et oui, ils se réveillent tous avec nous. Des grandes, grandes stars. Vous avez entendu Justin Timberlake, 50 Cent. MHD, papa. Waouh, du lourd ce matin. C'est Valérie Damido. Oui, ah lourde oui. aussi. Ah bah tiens, voici Valérie Damido qui arrive. Le réveil de star de Valérie Damido avant son entrée demain dans Danse avec les stars. Là, ils essaient de la faire entrer. Pour moi, j'y arrive pas. Elle est sympa, cette Valérie Damido. Elle crie un peu fort, elle est un peu... Est-ce qu'elle va danser en salopette comme elle était dans Déco? Je sais pas, elle est un peu stressante parfois parce que bon, quand elle crie pendant une heure, au bout d'un moment, t'en as marre. Mais on va la retrouver avec les familles de France. À mon avis, elle est populaire chez les familles. Sans doute. On va voir ça dans 5 minutes. C'est le réveil de star. Une star qui réveille les familles. Elle a bousillé des appartes et des maisons, voilà. Et ouais. Donc le réveil de star, faut pas nous le casser. Hein. On le retrouve d'ici quelques instants. Info mytho à 7h20 pour gagner votre iPhone 7. Mais tout de suite, à gagner aussi 1 500 € pour vous. C'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et maintenant pour vous, on embrasse Quentin de Besançon qui a gagné hier. On embrasse Émilie Damien qui a gagné hier aussi. Bravo Émilie, bravo Quentin. C'est peut-être votre tour aujourd'hui. 1 500 € à gagner. Alors, et direction le sud de la France, oui. Nice dans le 06. Allez, on file la Nice. On nous a laissé des messages de Nice. Il pleut, on a dit, à Nice ce matin. Et c'est Manel Batic. On va faire pleuvoir de la thune maintenant. 1 500 € chez Manel Batic. Allô, allô, allô les Batic. Bonjour. Je vous écoute tous les matins. Je suis trop contente de vous avoir. C'est Skyrock. Mais oui, donc ta radio préférée pour faire les choses bien, tu sais, dans les règles. Skyrock. Ouais, c'est gagné. Ouais, bravo, Manel. Bien joué. Franchement, je suis trop contente. Vous êtes top. Je vous écoute tous les matins avant d'aller au travail. Eh ben, t'es super, Manel. Dis donc, t'as gagné 1 500 € en direct. Ah, franchement, je suis super contente. J'y croyais plus. Bah, il faut tout le temps y croire. Branchez-vous sur le morning tous les matins. Écoutez-nous. Et à un moment, je vous écoute tous les matins. T'étais contente d'entendre ton nom là ce matin à la radio? Bah franchement, j'y crois pas. Bah si, tu peux y croire. Tu es à Nice. Ben voilà. Il pleut à Nice. Il pleut de l'argent aussi ce matin. Ouais. Même il pleut. Il fait pas très beau en ce moment. On n'est pas habitué à ça. Donc, non, c'est vrai. Bon. Et les 1 500 €. On passe la semaine et la semaine prochaine, il fera bon. C'est pas grave. Les 1 500 €, t'étais pas habitué, mais ça vient de tomber. Ça y est, le rêve s'est exaucé. Oh. Comme c'est beau, 1500 €. Ah, c'est magnifique. Tu vas faire quoi avec? Bisous à tous. Oh, tu nous fais beaucoup. Des bisous, mais tu vas pas t'acheter oui, un truc? Je vous écoute tous les matins. Non, mais ça, j'ai compris, hein, que tu écoutais la radio tous les matins. Tu arrêtes, grande fan. Manel. Grande fan. Et avec, non, c'est gentil. Et avec tes 1 500 €, tu vas faire quoi, Manel? Bah, me faire plaisir, tout simplement. T'as bien raison. Bah, ça, hein. Tu vas t'acheter quoi? Des chaussures? Comment dire, on n'est jamais mieux servi voilà, que par soi-même. Des chaussures, sacs, comme d'habitude. Hein. Ouais, parce que les filles adorent les chaussures et les sacs. Oui, les chaussures, les sacs. Fais-toi plein de sacs, plein de chaussures. T'en achètes, je sais pas moi, 5, 6. Ouais, vas-y. Prends-en plutôt 6 que 5 des chaussures, sinon il t'en manquera une. Ouais. Mais bon, tu vas pouvoir t'éclater. Avec tout ça, Manel, on te fait un gros bisou. Salut tous les Niçois et les Niçoises. Gros merci. Bisous, à bientôt. Et vous allez pouvoir gagner 1 500 € avant la fin de l'émission. Hein. C'est pour vous, même dans une demi-heure, 1 500 € pour vous. Faites comme Manel, répondez Skyrock et c'est dans la poche. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de D-Fool sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. keep you down. I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, Drake en concert avec Skyrock l'année prochaine, c'est en mars, à pas louper, on en reparlera sur Sky. Le 12 et le 13. Ouais, et les places sont en vente là maintenant aujourd'hui hein, pour Drake. Drake, One Dance, Madcon, Don't Worry, PNL aussi à écouter. Ah, ça va faire plaisir à Rachid qui nous a envoyé un message, je voulais du PNL ce matin. Avant 7h30 du PNL. On a un paquet de trucs à faire avant 7h30. Hein. Et une grande star à retrouver maintenant, c'est Valérie D'Amido. Les stars réveillent la France. Bonjour les amis. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Mais oui Valérie D'Amido. Ça va, messieurs, bien? Ça va bien, messieurs, monsieur, mesdames. Bonjour, Valérie D'Amido. Alors, Valérie D'Amido, ce qui est bien, c'est qu'elle, elle a toujours la pêche. Elle va réveiller les familles de France. Un réveil avec Valérie D'Amido, si t'as envie d'un réveil doudou, doudou, doudou, c'est pas ce qu'il te non, faut. Non, c'est clair. On va voir ce que ça donne chez Mathieu ce matin. Mathieu qui a été réveillé. Elle veut lui refaire son appart. Je sais pas, elle veut peut-être tout casser à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Demain, elle débarque dans Danse avec les stars. Ouais, elle repeint le plateau. Et ce qui serait cool, ça serait qu'elle fasse de la déco sur le plateau. Qu'elle se mette à détruire des trucs. Ah non, c'est trop moche. Ah tiens, je vais arracher le parquet. Il est moche, le parquet. Valérie D'Amido et Mathieu et la famille. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Tous les matins, une star réveille les familles. Vas-y, Valérie. Valérie D'Amido. Oui. Oui. Bonjour, les amis. Bonjour. Comment ça va, messieurs bien? Très bien. Très bien. Je bosse dans le bâtiment, monsieur. Et qu'est-ce que tu fais dans le bâtiment? Tu casses des murs? Nous allons tout démolir. Ok. J'ai fait 232 maisons. Eh ben, j'espère que tu ressembles pas à Valérie, hein. C'est Valérie D'Amido. C'est elle. Ah merde. Quoi? Je suis blonde, vieille. Ben, je sais pas, moi je m'attendais à une jolie blonde. Est-ce que t'es prêt pour jouer à casse-mur? Ah. Ouais, pourquoi pas. On va voir ce qu'on peut démolir dans votre maison. Ah. Ben écoute, on commencera par péter le lit. Je suis très très chaude du cul, tout va bien. Wow. Ben écoute, tu passes quand tu veux, hein. Viens mon petit chou des bois. Ben écoute, moi je t'attends, moi je peux pas venir. Tu veux pas qu'on fasse une pyjama party cet après-midi? Une pyjama party? Ben ouais, écoute, il pleut ici, donc pourquoi pas. Ça fait zizir. Je vais te montrer mon gros marteau piqueur. Wow. C'est mon jouet préféré dans tous les travaux, c'est le marteau piqueur. Wow. Eh ben voilà, tu pourras t'en servir. Ça y est, Terminator, he's back. Ouais, moi je suis plutôt le burineur. Bravo, mais oh là là, mais toi t'es mon copain, tu comprends tout. Eh ben écoute, à la prochaine. Tu m'appelles quand tu veux buriner. Allez, en avant Guingamp. Allez. Bisous, ciao. Eh ben ciao. Elle est contente. Et ça, c'est une histoire d'amour magnifique. Ah oui. Eh, Valérie D'Amido va se faire buriner. Ouais. Et le sudiste sous la pluie a invité Valérie D'Amido à se faire buriner. Ah, au début, il était là, ouais, une jolie fille, à la fin, il était pas contre. Ouais, bravo Mathieu. Et quelle séductrice cette Valérie D'Amido. Ah, ouais. Ah mais les deux étaient super. Valérie D'Amido, merci. Mathieu, merci. Bravo pour ce réveil de star. Quelque chose à rajouter, Valérie? Bonjour les amis. Non, c'est gentil. Merci, au revoir maintenant. Là. Au revoir les amis. Et à tout à l'heure. Tranquille, madame. Elle revient à tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure, Valérie. À tout à l'heure. C'est les stars car. Réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. All of your secrets, I swear that I won't pass. You got everything's eyes, wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your paws, or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass, and the high is the feeling. The world is a club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. We can move the night. Don't worry by the day, don't worry, c'était Madcon sur Skyrock, on prépare PNL, un extrait de l'album de PNL avant 7h30. Super, j'adore PNL, vous allez voir, ça va nous réveiller, on va planer. Tranquille. On va kiffer, PNL à retrouver. Pour ceux qui connaissent pas encore PNL, c'est deux frangins du 91 qui ont fait un super album. C'est ça. C'est Skyrock, premier sur le rap français, à retrouver PNL avant 7h30, à retrouver tout de suite. Info ou mytho? Ah! C'est l'heure de gagner votre iPhone 7. Tous les matins sur Skyrock, on vous file vos iPhone 7. Le téléphone bien cher, ne l'achetez pas, hein, il est trop cher. Oui, trop cher. Gagnez-le sur Skyrock, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pas cher. Voici tout de suite donc la petite info que je vous donne. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. La fin d'un mythe ce matin. Ah. La fin d'un mythe. Ronald McDonald va se faire licencier par McDonald. C'est pas vrai. Oh, oh merde. Et oui, Romano, la mascotte de la chaîne de restauration rapide, également appelée fast food. Oui. McDonald's va se faire licencier. C'est fini pour Ronald McDonald. Mais est-ce, rassure-moi, est-ce qu'il garde les piscines à boules? Je ne sais pas, Romano, je vais me renseigner, mais j'espère. Il n'y aura plus de Ronald McDonald dans les McDo. Info ou mytho? Vous nous dites si cette info est vraie, bah info. Si c'est pas vrai, mytho. Et vous envoyez ça tout de suite à mon top que je vous donne dans quelques secondes. Je suis en train de préparer mon top. On prend les messages après mon top officiel. Allez, c'est parti. Allez, 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages. Et est-ce que Ronald McDonald s'est fait licencier par McDo? Est-ce qu'il va disparaître des McDonald's? Putain, Ronald, il a un Pôle emploi, quoi. Le pauvre Ronald. Si c'est vrai, quoi. Tu pourrais l'embaucher comme mascotte pour tes conseils pas chers, Mano. Ouais, mais il doit coûter cher, hein. C'est une star quand même. Ah, c'est quand même une star, c'est vrai. Bon, Ronald, info ou mytho, on y revient tout de suite. Et vous gagnez votre iPhone 7 et vous jouez après avec Romano et Cariole. Question de qualification, c'est notre Ronald ce matin à 7h20. Le job s'habille plus en Prada. Soprano. Le job s'habille plus en Prada. Soprano, son nouvel album L'Everest, enfin disponible. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé? Chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? La paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,49€. 1,49€ le filet de 2,5 kg? Oui, et origine France patron, hein. Ça fait 60 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumé, oui ça va, j'ai compris, je suis mal. On est mal patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55. Variété Annabelle, Marilyn, Jazzy, Galante ou Charlotte selon magasin. Origine France. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Le 19 octobre au cinéma. Je suis pas la loi. I've got my

Ronald McDonald, est-ce que c'est vrai que Ronald McDonald s'est fait, mais oui, s'est fait licencier par McDonald's? Bientôt, il n'y aura plus de Ronald McDonald dans les McDonald's. Parce qu'en fait, les Américains et les Américaines, elles ont peur des clowns. C'est vrai? Oui, et il y a des clowns démoniaques qui errent dans les rues. Eh bien, McDonald's a décidé de supprimer Ronald McDonald. Les gens ont peur des clowns. Non, mais c'est comme il y avait eu, il y a un an ou deux ans en France, là, des mecs, en fait, ils se cachaient et ils attaquaient des gens déguisés en clowns. Et ben voilà. C'est ce qui arrive aux États-Unis. Bah, de toute façon, Ronald, déjà, moi, ça faisait un mois que je l'avais pas vu, hein. Et ben, c'est rare maintenant. Fini Ronald McDonald. Je suis triste, moi j'aime bien Ronald McDonald. Ronald. J'adorais, ça faisait peur aux gosses, c'était super. Tant pis, c'est fini. Oh, moi je suis content, il garde la piscine à boules alors. Bon, moi je suis content pour toi Ludo, tu es qualifié pour Info Mytho. On va donc mettre en jeu l'iPhone 7. Il faut détecter le mytho des infos par Cariole et par Romano, c'est parti. Info ou mytho, qui dit vrai, qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Écoute bien Ludo, on commence par Romano. Ludo, j'imagine que tu es fan de lui. Est-ce que tu connais Zayn Malik? Pas du tout. A des ex One Direction. C'est un One Direction qui sort. C'est le beau gosse des One Direction. Bah, il est plus maintenant là. Il est plus beau gosse. Ouais, terminé. Lui, il a pété un plomb, il s'est barré. Il a changé de direction. Alors, attention. Il couchait avec une meuf d'un autre groupe de filles, les Little Mix. Oh, super, les Little Mix. Et alors, a priori, la meuf a fait un titre qui s'appelle Shout Out to My Ex. Ouais, Shout Out to My Ex, c'est un titre qui lui est dédié. Ouais, c'est ça, parce que ça s'est mal terminé, la rupture. Et en gros, dans le titre, elle explique qu'il a une petite bite. Oui. Qu'il est assez rapide et qu'elle ne sentait rien et qu'elle était obligée de simuler. Donc, précoce avec une petite bite, Zayn Malik, ça casse un mythe, hein, dites donc. Ouais, c'est ça. Info ou mytho? Elle a balancé ça dans une chanson, les Little Mix. C'est ça. Et Cariole, ton info? Moi, c'est sur l'Euromillion. Mardi soir, vous savez, il a été remporté. En Belgique. Ouais. Putain, 166 millions. Oui. 168 millions. Waouh. Un salaud. Et celui qui l'a gagné, il a refusé les gains parce qu'il trouvait que ça faisait trop. C'est possible, en plus ce con c'est un belge. Il avait peur de péter les plombs. Non mais tu sais, les belges ils font tellement de trucs chelous. Alors Ludo, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que moi c'est... je dirais Romano info et Cariole mytho. J'aurais dit comme toi, parce qu'un mec qui refuse 168 millions à moins d'être vraiment très très con. Ah ouais, non mais c'est un abruti fini. Alors, et c'est gagné. Oui. Zayn Malik des One Direction est précoce et une petite bite. Et le belge a pas refusé les 168 millions d'euros. Il les a pris malheureusement pour toi. Tu m'étonnes qu'il les ait pris, ouais. Il touche 16 000 euros par jour. Oh, ça va, tranquille, putain. Ah, oh, tranquille. Et Ludo, tu gagnes ta P... Non, tu gagnes ta PS4, pas du tout, tu gagnes ton iPhone 7. Ouais, l'iPhone super. 7. Nickel. Eh ben oui, il est pour toi. Si tu veux la PS4 à la place, tu peux choisir, hein, c'est comme tu veux. Non, non, c'est beau, je l'ai déjà. Alors un ça iPhone, nous arrange, nickel. En plus, c'est moins cher. Donc, oui. Allez, prends une PS4 ou une PS3. Non, ça ira, c'est beau. Sinon, on a l'iPhone 3 qu'on a. Non, c'est bon. Allez, le 7 qu'on va t'envoyer en Alsace ce matin. Bravo Ludo, félicitations. Super. Attention, un autre iPhone 7 à gagner dans moins d'une heure. On jouera avec DJ Roro à 8h20, le grand retour de DJ Roro, comme tous les vendredis. Ouais. On va tester nos connaissances musicales. Bon, bah bravo à toi Ludo. Tiens, en parlant de connaissances musicales, t'aimes bien PNL, Ludo? Ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Écoutez ça. Ça va, c'est nard. C'est PNL sur Skyrock. L'album de rap français le plus vendu depuis le mois de septembre. Ouais. Et ouais, ils sont là, PNL. Rémi arrive avec les infos juste derrière. Et puis les 1500 euros. Peut-être pour une deuxième fois pour vous à gagner sur Sky. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Par s'y faire. Ta célébrité, nique ton buzz. Nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. Putain, putain. J'veux pas qu'on m'invite, pardon. J'reconte. Mes rêves se ravis. Offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non, ok, je m'en balais. Je ramène une clope dans la. C'est ta soeur, vois ma. Mmh, en menottes dans la. Mmh. PNL sur Skyrock. Super pour se réveiller ça. On écoutait Naha, un extrait de l'album de PNL. On va écouter DJ Snake et Justin Bieber dans un instant sur Skyrock. Ils arrivent avant 8h. Les 21 Pilots. C'est bien ça aussi, hein. Oui, ride. Ouais. Et Pitbull et Florida. Ça déchire ce matin encore, hein. Allez. Merci de vous réveiller avec nous. Vous êtes sur Skyrock. Et on a des auditrices avec une voix de folie. Il y a Manel qui nous écoute à Nice puisqu'elle a gagné 1 500 €. Qui a fait un carton. On a reçu un nombre de messages pour elle depuis tout à l'heure. Bravo Manel, t'as répondu Skyrock. Et c'est pas simplement à cause de l'argent que t'as reçu plein de messages, hein. La voix la plus sensuelle de la semaine. Tiens, regarde, nous disait Rambo sur SMS. Absolument, oui. Salut Rambo. Vas-y. Rambo est fan de Manel. Bon, en fait, comme Manel, il y a une demi-heure, elle gagnait 1 500 €. C'est peut-être pour vous. Dans 2 minutes, juste après les infos de Rémi, on se prépare pour les conseils pas chers. Tu nous en reparles dans un instant, Romano. Pas de soucis. Et puis, le loser du jour. Les losers du jour même. On en reparle aussi avant 8h du matin. Tout ça à découvrir sur Sky. Mais d'abord, les infos. Ah oui, puis l'affaire Ribéry qui a mal parlé de Griezmann. Griezmann a répondu à Ribéry. Bah, tu nous on en reparle juste après la météo, Rémi. Ouais, toujours beaucoup d'eau dans l'Hérault, hein. Soyez prudents, l'Hérault en vigilance orange, pluie, inondation. Donc c'est un petit peu moins grave que Météo France l'avait prévu. Mais tout de même, on a des routes coupées encore ce matin, des établissements scolaires qui restent fermés. Les pompiers sont intervenus plus de 150 fois la nuit dernière. Alerte orange aussi pour le Gard, l'eau de l'Aveyron et le Var. Partout ailleurs, eh bien, la journée sera pluvieuse, notamment à l'est et même orageuse dans le sud. Plus calme et ensoleillé et sur la façade ouest. Heureusement, le week-end s'annonce un petit peu mieux. Demain et dimanche, retour du soleil partout, sauf sur le nord-ouest. Les températures en hausse ce matin, entre 5 et 15 du nord au sud, 9 à Paris, entre 12 et 16 au nord de la Loire cet après-midi, de 17 à 21 dans le sud et même jusqu'à 25 sur l'île de Beauté en Corse. Et puis la pollution, ça reste impeccable, les indices compris partout entre 2 et 4. Et ben voilà, des nouvelles pas mal pour ce week-end, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Et on fait le point sur l'actu et le sport sur Skyrock. Avantage Juppé après le premier débat de la primaire de la droite et du centre. Le maire de Bordeaux a semble-t-il convaincu la presse et ceux qui ont regardé l'émission hier soir sur TF1. Alors il ne s'est pas vraiment mouillé, c'est vrai. Quand les affaires ont été citées, il a su en revanche faire un mea culpa en estimant que le vote des Français décidera s'il peut ou non être à la tête de l'État. Nicolas Sarkozy, pour sa part, a été un peu attaqué par tout le monde et s'est montré plusieurs fois nerveux, voire même agacé. Au final, tout cela a été sans passion ni saveur, selon le Parisien. Le grand perdant s'appelle Bruno Le Maire. Le député de l'heure n'a pas pu sortir du lot. Jacques Chirac, qui semble aller un petit peu mieux. L'ex-président a quitté la Salpêtrière après 3 semaines d'hospitalisation. Il va poursuivre sa convalescence à son domicile. L'ancien chef de l'État, âgé de 83 ans, était soigné pour une infection pulmonaire. Une nouvelle manière d'aborder sa recherche de boulot, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, c'est une grande nouveauté qui vous attend dès l'année prochaine. L'établissement public va généraliser sa politique de dématérialisation. On ne sera plus contraint de se déplacer en agence et les rendez-vous se feront par webcam. Alors, ce ne sera pas une obligation, c'est pour les volontaires, bien évidemment. Il y en a encore qui n'ont pas internet à la maison. Mais pour les autres, en tout cas, s'il le souhaite, webcam. Non mais c'est vrai, il y a des campagnes et tout, malheureusement. L'univers qui nous en apprend presque tous les jours. Une équipe internationale d'astronomes vient de publier une étude qui bouleverse ce que l'on pensait savoir. Ils affirment avec le soutien de la NASA que l'univers comporte 2000 milliards de galaxies, un chiffre impressionnant, 10 fois supérieur à celui avancé jusqu'à maintenant. Les scientifiques estiment qu'il nous reste 90% des galaxies à découvrir et à observer. Bon, on fait le point sur le foot maintenant avec la réponse de Griezmann à Franck Ribéry. Ouais, Griezmann n'est pas du genre rancunier après que Ribéry ait dit de lui qu'il n'était pas un joueur de classe mondiale. L'attaquant a simplement répondu « Pour mon père, je suis le meilleur du monde, pour les fans de l'Atlético aussi. Chacun a son opinion, il estime que pour les autres qui disent qu'il n'a pas le niveau, eh bien, c'est qu'il reste encore des choses à prouver. » Bref, la réponse classe, bien bien loin des propos de Ribéry. Merci Grizy. Ouais, merci Grizy. Et puis la 9e journée de Ligue 1, 2 matchs au programme si la météo le permet. Monaco se déplace à Toulouse à 19h et puis une rencontre intéressante entre le leader et le 5e du classement. Nice accueille Lyon à 20h45 et ce sera à suivre dans la Radio Libre. Et oui, évidemment, avec nous ce soir sur Skyrock. Et oubliez pas le Planète Rap spécial de ce soir, Soprano, en direct du Vélodrome, c'est avec Fred, un Planète Rap spécial entre 20 et 21. Exceptionnel. Exceptionnel, en direct du Stade Vélodrome à Marseille. Il va falloir un temps de merde, non? Mais il y a un toit. Ah, il y a un toit, c'est vrai. Et puis, évidemment, la Radio Libre des 21h à pas louper. Rémi, le retour dans une demi-heure. Yep. Tous les matins, 6h-9h, c'est le Morning de Default sur Skyrock. Tiens, on découvrira ce que nous réserve l'horoscope de l'amour aussi. Je vous ai pas dit, mais on fera l'horoscope de l'amour là d'ici un petit quart d'heure. Avant ça, et avant notre loser du jour aussi, notre loser du jour au pluriel. C'est donc des losers qu'on va retrouver. On a les conseils pas chers de Romano. J'espère que tu vas pas loser pour tes conseils, Romano. Pour l'instant, non. Ça se passe bien. Non, je pense que là, l'affaire est dans le sac. Aha. Dans le sac poubelle, puisque je vais faire une arnaque aux poubelles et aux encombrants. Pas mal. Aux poubelles et aux encombrants. L'affaire est dans le sac, à vérifier dans un instant. Non, mais c'est une arnaque qui existe vraiment. Il y a des gens qui se sont fait avoir, je vais vous raconter. Ils se sont bien fait baiser. Et bien, ils sont doublement en plus. Dans, 5 minutes, le temps d'écouter Justin Bieber et DJ Snake. Et puis, l'argent est dans l'enveloppe, nous. Ouais. 1 500 € à gagner, c'est parti, c'est pour vous, c'est sur Skyrock tous les matins, il faut répondre Skyrock et c'est dans la poche. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le t'appel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Skyrock. Tu gagnes, tu gagnes. Et j'ouvre l'enveloppe. 1 500 € à gagner. Où est-ce qu'on va aller ce matin? Eh bien, ce matin, après avoir offert 1 500 € à Nice, il y a une demi-heure, on va en région parisienne, à Gif-sur-Yvette. Vous nous écoutez à Gif-sur-Yvette, vous allez peut-être gagner 1 500 €. La famille tirée au sort est la famille Drouillet. Franck Drouillet. 1 500 € pour les Drouillets. Mais ça se dit chez vous, j'ai la drouille. C'est quoi ça? La chiasse. Ah, j'ai la drouille, c'est vrai? Ah ouais, en Bourgogne, on l'a dit. J'ai la drouille. Allô? Allô, madame Drouillet? J'ai la drouille. Comment allez-vous? Comment allez-vous, madame Drouillet? C'est la radio au téléphone, madame Drouillet. Ouais, ça drouille. On est en direct à la radio. Tu me l'as bloqué avec son ça drouille. Ah ouais, elle connaît pourquoi peut-être l'expression. Madame Drouillet, ça drouille. Madame Drouillet. Elle est en train de brouiller. Ah, voilà, tu me l'as bloqué, Romano. On pourra pas lui poser la question. Là, complètement. On pourra pas lui demander quelle est sa radio préférée. Ah non, mais on peut plus là. Et pourtant, il faut répondre Skyrock, c'est ce qui va se passer dans une demi-heure. 1 500 € à gagner encore. Inscrivez-vous au 720-20. Vous envoyez 1 500 au 720-20 pour gagner 1 500 €. Carriole, tu mets un bruit de paix, mais ça lui fait la matinée. Ok, tiens pour toi, Carriole. Ok. Allez, et le son de DJ Snake avant les conseils pas chers sur Sky. Oui. Le son de DJ Snake, la voix de Justin Bieber, Let Me Love You, pour se réveiller ce matin. Une belle journée, un beau week-end. Allez, c'est vendredi, il est 7h38. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Of days having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah, I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up. DJ Snake et Justin Bieber sur Skyrock. Les 21 Pilots se préparent et Romano, il est prêt pour les conseils pas chers. Les conseils pas chers à retrouver tous les matins à 7h40, 7h45. Romano, aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment gagner de l'argent et tu vas dénoncer une arnaque. Attention, attention, ne vous faites pas arnaquer. Bah, ça, surtout, c'est un truc que tout le monde a, dans, logiquement, en tout cas, les gens à peu près propres, c'est-à-dire les poubelles. Oui. Les poubelles et les encombrants. Tu sais, par exemple, quand t'as un vieux meuble et que tu veux le foutre en l'air, l'arnaque a rapport avec ça. Ah, tu nous expliques tout. C'est les conseils pas chers qu'on retrouve comme tous les matins sur Skyrock. Bonne chance, Romano. Excusez-moi, j'ai fait me casser la gueule. Bon, écoute, l'avantage avec toi, c'est que tu tombes pas de haut. C'est ouais, vrai. Ça va, ouais. Hein, c'est vrai. Ouais, ça va, tu te fais pas trop mal, ouais. Non, c'est clair. Conseil pas cher, on dit. Rihanna gagne 200 000 euros par jour. Waouh. Romano fera-t-il plus fort ce matin? C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, alors explique-nous cette arnaque, là. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Bon, par exemple, vous avez des encombrants qui traînent devant chez vous ou dans votre jardin. Ouais, ma femme. Ouais, bon. Oh non, c'est dégueulasse. Non. Et vous ne savez pas où les mettre. Oui. Là, il y a un mec qui arrive et qui vous dit bah, je peux vous rendre service, vous me donnez un petit billet, j'emmène les encombrants avec mon camion. Sauf qu'en fait, le mec, bon, il prend les encombrants, mais souvent, il les redépose dans la rue derrière. Ah, il paye. Alors, tu payes le mec pour qu'il s'occupe du truc et en fait, lui, il le décale juste d'une rue. Ouais, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens donc, qui se sont fait avoir parce que les encombrants, du coup, ils étaient partis pas loin. Et il y a la police qui est passée à ce moment-là et ils ont retrouvé les propriétaires. Donc, les gens ont donné un billet au mec pour qu'il débarrasse alors qu'il a rien débarrassé. Et en plus de ça, ils se sont pris une amende. Ah, c'est la pas double mal. Peine. Bam, bam. Et hop, deux coups derrière la tête, quoi. Et ça, c'est bien cher. Ouais, c'est bien cher, ouais. Donc faites attention, attention, s'il y a des gars qui viennent chez vous et qui vous disent, bon, je vais tout débarrasser, vous inquiétez pas, tout ça. Méfiez-vous surtout s'ils sont petits, chauves et qui mesurent 1m54. Allez. Ouais, ce matin, j'arrive chez les familles, je vais leur proposer de débarrasser des trucs. Et contre petite rémunération, je dépose ça dans la rue d'à côté. Tu vois. Très bien. Ouais. Serge. Et on file ouais. Chez Serge. C'est Serge. Tiens, ramasser les encombrants, c'est mon job. Oui. Ah. Allô, bonjour, c'est Serge. Oui. Oui, bonjour, c'est les encombrants à l'appareil. Oui. Oui, dites-moi, vous avez des choses à acheter ce matin ou pas? Non. Ah. Votre femme, non, vous la gardez? Ah, Serge. Je l'ai vu, on l'emmène ou pas? Tu la gardes? Oui. Ouais, tu la gardes. T'as pas une ou deux bricoles à foutre en l'air? Non, j'ai rien du tout. Bah, je peux venir prendre un café au moins? Vous êtes qui? Monsieur Lapince, des encombrants. Oui, ça va, bonsoir. Non, bonjour, là. Oui, 7h44, bonjour. Ouais, bonjour. Ah, Serge, donnais pas l'heure. Mais bon, non. C'est pas grave. Il donnait pas sa Serge. Femme non plus. Mais il faisait... Il y a Saxman qui bosse dans les encombrants, là. Salut à toi, il nous dit les gens sont sales. Ah bah ouais, c'est clair, c'est ça. On en connaît quelques-uns, nous aussi. Ah, hein. Oh, ouais. Bon, deuxième tentative. Après Serge, on va chez qui? Chez Christophe. Chez Christophe. Allez, c'est parti chez Christophe. Allô? Ouais, Christophe. Oui. Oui, bonjour, c'est les encombrants, l'appareil. Les encombrants. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je t'appelais, on nous a appelé, a priori, je dois venir débarrasser un truc chez toi. T'es chez toi, là? Oui, je suis chez moi. Bon, il y a quoi à débarrasser? Y a ce que tu veux. Bon, bah nickel, je passe dans 5-10 minutes avec le camion, j'embarque des trucs, et tu me donneras 50 euros. C'est ça. Bon, bah, on nickel. Bah, je suis là dans 5 minutes, chérie. Vas-y. À tout de suite. À tout de suite, Christophe. Bisous, hein. Les encombrants te remercient. Ah, chaleureusement. Bah, merci, oui. Ah, je t'embrasse même. Ta femme nous avait appelé. Ah, il est parti. Ouais, il est parti. Nous avait appelé. Elle avait un mec qui l'encombrait un peu chez elle. Ouais, bah, c'est bon. J'en débarrasse tout ce matin. Il y a Maximilienne qui nous envoie un message d'ailleurs qui nous dit que elle, son mec, encombre la maison. Je suis en instance de divorce. Ah oui. Romano, tu peux venir le chercher. Sans problème. Ah, pour 50 euros, il le dépose dans la rue d'à côté. En espérant qu'il ne retrouve pas le chemin. Allez, faites gaffe. Vous faites pas arnaquer. On va retrouver le top lose, top win du jour avec les winners ou les losers. Non, allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des losers. Les losers du jour, on va parler d'une chaîne de télé, tenez-vous prêts, une chaîne de télé qui lose. Ben oui, ça arrive. On en reparle tout de suite, mais d'abord l'horoscope de l'amour dans une minute, votre horoscope sur Sky. Carrefour. Bah chérie, c'est quoi tous ces produits de beauté là? Bah, en ce moment, Carrefour fait place à la beauté, alors moi aussi! Parce qu'il y a plein de promos sur des centaines de produits de marque. Par exemple, 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis. Mais du coup, j'ai plus de place! Oh, t'exagères! Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté avec des promotions sur des centaines de produits de marque. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. 2x250 ml, voire produits concernés dans votre catalogue disponible sur carrefour.fr. Carrefour. Et à la banque postale, hôpital, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force est de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. 7h46 sur Skyrock, c'est l'heure de l'horoscope de l'amour de ce vendredi. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et voici vos notes, les notes de ce matin pour ce vendredi 14 octobre. Les notes de l'amour, la puissance amoureuse calculée sur une échelle de 0 à 5. 5 sur 5, les Verseaux, bravo. Les Taureaux, bravo. Aujourd'hui, aucun problème au niveau de l'amour. Vous pourrez vivre une journée très très chaude. Ah, niveau sentimental, niveau séduction et niveau sexuel aussi. Taureaux, Verseaux, 5 sur 5. 4 sur 5, les Scorpions et les Cancers. Vous aurez confiance en vous aujourd'hui, ça vous aidera à arriver à vos fins assez facilement. Scorpion, Cancer, coupe ou pas coupe, c'est une super journée pour vous. Bélier, Poisson, vous avez 3 sur 5. Eh ben, les autres seront sympas avec vous aujourd'hui. On vous fera des compliments, on vous entourera, on vous C'est mignon ça. Ouais. Là, c'est bien, c'est une belle journée, les Poissons et les Béliers. 2 sur 5, les Balances et les Lions. Ne vous emballez pas trop vite si quelqu'un vous plaît. Si vous êtes célibataire, allez-y cool. Et pour les couples, réfléchissez à un moyen de surprendre votre partenaire. Ça fait toujours plaisir. Un petit 1, ça c'est pour les Capricornes. On a que 1, nous dit-on. Mais comme toi, dit Foul. Comme toi, ouais. Oui, je sais. Et comme des foules. Et Cariole aussi, tiens, les Sagittaires, t'as un également. Les Capricornes et les Sagittaires, on a un. Attention, attention, on est un peu piquant aujourd'hui. Quelqu'un pourrait nous en vouloir. Faut pas afficher les autres en public, notamment, surtout votre chérie. Okay. Et 0 sur 5, les Gémeaux et les Vierges. Bon, vous avez un peu de mal à reconnaître vos torts aujourd'hui, ce qui risque d'énerver les gens autour de vous. Mais enfin, bon, personne n'est parfait. Et puis, ça ira mieux demain, comme on dit. L'horoscope à 7h48. Et les losers du jour, ils arrivent dans un instant sur Skyrock. Après les 21 Pilots. Ça, c'est bien pour se réveiller, c'est bien pour aller bosser. 21 Pilots et Ride. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever feel? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. 21 Pilots sur Skyrock avec Ride à 7h51. À 7h51, on va découvrir nos losers du jour. Tous les matins, on met à l'honneur les losers ou les winners. Aujourd'hui, eh ben, c'est le top de la lose. Attention. Les losers du jour. Les losers du jour. Alors, la chaîne de télé qui lose. Non, ce n'est pas Canal+. Non, non, parce que vous nous faites des propositions, là, sur le 41-759. C'est iTélé, les losers du jour. Non, mais c'est une chaîne info. C'est Raph qui a envoyé le message. Bon, c'est pas la plus regardée, hein. Non, c'est France Info Télé. Voilà. Voilà, parce qu'ils font une télé, France Info Télé. Oui, avec nos sous. Et, oui, avec nos sous, oui. Oh, bah, non, t'es grave. Tu peux pas t'empêcher de parler d'argent. Non, mais c'est vrai, on en avait déjà une. Il y avait déjà France 24, que bon, j'imagine pas grand monde regarde. Ouais. Mais ils ont créé une deuxième. Voilà. Et ben, c'est France Info TV. Bon, ils sont pas encore au point, France Info TV, hein. Bah, c'est en rodage. Elle est pas vieille, la chaîne. Hein. Ouais, ça merdouille un petit peu. Bon, ils faisaient un reportage, et titre de l'info. Et ils parlaient de Renault, de l'embauche de CDI à Renault. Donc, 1000 CDI. Plutôt une bonne nouvelle. 1000 CDI qui arrivent chez Renault les voitures. Vroom, vroom. Ouais. Et donc, France Info Télé, ils lancent le truc. Ils font l'annonce du titre. Écoutez ce que ça donne. Renault va embaucher 1000 personnes en CDI d'ici la fin de l'année. Le constructeur automobile a besoin de main-d'œuvre pour mener à bien ses nouveaux projets. Reportage à suivre dans l'usine de Sandouville. Et ouais, mais madame, là, ça a merdé, dites donc, là. Ça a merdé parce que vous êtes trompé de photo. Les mecs te parlent de Renault, ils te mettent une photo de Renault le chanteur. Avec le titre, Renault recrute 1000 CDI. Et là, tu te dis, putain, mais il est riche, Renault, c'est dingue, ça. Tiens, tu le vois avec sa tête. Oui, Renault, un peu alcoolisé, hein, comme d'hab. Et donc Renault embauche 1000 CDI. Là, ils mettent la photo de Renault. C'est comme si, par exemple, je sais pas, moi, je faisais Théa Romano sur TF1, une annonce de programme sur TF1. J'annonce Joséphine Ange Gardien et ils te mettent en photo derrière. Ah ouais, ça ferait bizarre. Ça ferait rigoler. Au niveau de la taille, vous êtes à peu près pareil, mais c'est vrai que tu n'es pas Joséphine, oui. Non, mais je suis plus grand qu'elle. Hein. Ah, les cons, ils se sont plantés. Hein. Ouais. Bon, ils apprennent. Hein. Oui, ils apprennent. Faut pas se tromper de. Ils ont des diapositives. Ils ont les mêmes choses parce que moi, c'était au bahut, c'était les profs qui se trompaient de diapos, c'était jamais les bonnes. Ouais, c'était à l'envers ou de travers. Ouais. Tu vois que ça coûte pas si cher que ça, France Info Télé. Ils sont encore en système diapositive, ils se trompent. Oh, c'est pratique. Voilà, en tout cas, on peut faire confiance aux chaînes info. Une fois de plus, on remarque qu'ils sont au taquet du taquet. Hein. Ah ouais, bravo. Eh oui, magnifique. Mais je crois qu'il y avait eu un problème. Je sais plus, c'était à iTélé ou sur une autre chaîne de télé. Un jour, il y avait un truc qui parlait des nains. Et ils avaient mis la photo de Sarkozy, mais c'était un mec qui venait de se faire virer qui avait mis le truc. Ah oui, nous allons parler aujourd'hui des nains. Ah oui, le nanisme. Derrière. Bon, ben voilà, c'est Renault. L'image, on va vous la mettre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir la battre. Ouais, la petite vidéo. La petite vidéo de France Info Télé. On dit bonjour à cette nouvelle chaîne de télé. Bah, bienvenue, oui. Bienvenue à vous et puis continuez à nous faire rigoler. Hein. Ah ouais. Là, le titre de Loser du jour, c'est pour eux. Il est 7h55 bientôt sur Skyrock. Dans 5 minutes, on vous offre 1500 €. Encore 1500 € à gagner. Oui. C'est tombé à Nice. Ça va peut-être tomber chez vous. Inscrivez-vous au 7-20-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. 7-20-20, vous envoyez 1500 et dans un instant, on vous appelle en direct sur Skyrock. Bonne chance. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1 Tera Collector Final Fantasy XV, la console collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation. Bon chéri, pour l'appartement, toi tu veux un canapé en cuir, moi une méridienne en tissu. Et tu veux suspendre les plantes alors que moi je veux les poser sur l'étagère. Oui, et alors? Alors pour le bien de notre couple, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un. Profitez-en vite! Pendant les journées qui changent tout chez IKEA, des architectes d'intérieur vous donnent gratuitement des conseils en aménagement et décoration. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin IKEA, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Inscription préalable et conditions sur IKEA.fr. IKEA! Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé? Chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,49€. 1,49€ le filet de 2,5 kg? Oui, et origine France patron, hein. Ça fait 60 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumé, oui, ça va, j'ai compris. Je suis mal. On est mal patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55. Variété Annabelle, Marilyn, Jazzy, Galante ou Charlotte selon magasin. Origine France. La literie est en folie chez But. Et le plus fou, c'est que vous allez enfin apprécier votre vieux matelas. Pourquoi? Mais parce qu'en changeant de literie, But vous rembourse 50€. 50€ d'économie en recyclant sa literie? Moi, on me dit ça, je me réveille. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. Chérie, tu descends les poubelles. Ok, je prends le matelas aussi. Non, surtout pas, on l'apporte chez But.

Soprano dans Planète Rap en direct de Marseille. À ne pas louper, la radio libre en direct de 21h à minuit. Bref, une journée bien pleine de folie, on peut le dire. Et une matinée de folie aussi avec Valérie Damido qui est de retour pour le réveil de Star. Et a été marrante tout à l'heure, le réveil de Star Valérie Damido, elle a la pêche, elle est contente, elle est avec nous et ça fait plaisir. Bonjour les amis. Bonjour Valérie. Comment ça va, monsieur bien? Ça va bien, monsieur bien. C'est Valérie Damido. Je t'ai dit, on t'a reconnu. T'as reconnu avec ta salopette. Ah, il n'y en a qu'une des comme ça. Valérie Damido réveille les familles de France. Tous les jours, une star réveille les familles. On fait ça à 8h10 et 8h20, mais il sera là. DJ Roro. J'espère que son vol sera arrivé. Hein. Oui, il vient d'Ibiza toutes les semaines. Ouais, parce que là, il est en pleine bourre à Ibiza. Je sais pas ce qu'il y fout, il pleut à Ibiza, il fait un temps de merde, il n'y a plus personne. Mais DJ Roro, c'est pour nous, il sera de retour tout à l'heure à 8h20. On va tester nos connaissances musicales avec le grand quiz du vendredi de DJ Roro, du Morning, de Skyrock, de Difool, de Robano, de toute l'équipe. Ouais. Allez, on y va pour les infos et juste après, on vous offre encore 1500 €. Tiens, profitez-en pour vous inscrire sur le 7-20-20, là. 1500 au 7-20-20, ça peut vous aider à gagner. Ça augmente vos chances de gagner. Tirage au sort juste après. Rémi, il est 8h02. Mais c'est Rémi l'Américain? Ouais. Rémi l'Américain avec la météo de la France aujourd'hui. The weather. Toujours beaucoup d'eau dans l'Hérault, en vigilance orange, pluie et inondation. Hein. Plusieurs routes coupées, on le dit depuis ce matin. Vous n'avez toujours pas école, ni collège ni lycée d'ailleurs. Tous les établissements scolaires restent fermés. Alerte orange aussi dans le Gard, l'Aude, l'Aveyron et le Var. Alors pour le reste du pays, c'est quand même pluvieux, surtout à l'est. Et même orageux dans le sud, plus calme et ensoleillé même sur la façade ouest. Ça ira bien mieux demain et dimanche pour votre week-end avec le retour du soleil partout, sauf sur le nord-ouest, on va dire même le nord-ouest et le nord, à peu près de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. Les températures en hausse ce matin, comprises entre 5 et 15 du nord au sud, 9 à Paris, entre 12 et 16 au nord de la Loire cet après-midi, de 17 à 21 dans le sud et même jusqu'à 25 à Bastia. Et puis la pollution, ça reste impec, les indices compris partout entre 2 et 4. C'est vrai qu'il fait pas beau dans le sud, il pleut, il vente, c'est pas super pour vous. Alors nous, on a l'impression que le ciel, le soleil ne s'est pas levé là pour l'instant et que le ciel va nous tomber sur la tête. Non mais c'est normal, il est 8h, il fait encore nuit. Ah non, t'es sûr? Ah bah oui. À quelle heure il se réveille le soleil? Un peu plus tard, je crois. Dites-nous si vous savez, mais en tout cas là, c'est noir au niveau du ciel. Heureusement, le soleil est dans la radio avec. Ah bah tu vois, oui, j'avais raison, il se lève à 8h10. Ah bah c'est pour ça alors. Eh bien, 7 minutes. Eh ben voilà. Bien joué, il sait compter. Il est fort. À peu près, ouais. Et il connaît tout, les infos tout de suite, c'est parti. Allez, boire du sang de dragon, encore de la bile de gobelin. Les enfants et leurs parents s'en sont donnés à cœur joie cette nuit. Il y a eu plein d'animations dans les librairies, parce que forcément, les libraires ont ouvert assez tard. Ils ont ouvert vers 22h. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir présenter le tout nouveau Harry Potter. Cela faisait 9 ans que les aventures du sorcier de Poudlard étaient attendues. Il s'agit du 8e volet intitulé Harry Potter et l'enfant maudit. Bon, c'est un petit peu de la triche parce qu'en fait, c'est le script d'une pièce de théâtre qui se joue actuellement à Londres. Donc, c'est des aventures, bon, mais pas vraiment genre le gros roman qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais il y avait quand même du monde dans toutes les librairies, notamment hier à Paris. 7 candidats pour la primaire de la droite et du centre et plus de 2 heures de débat sur TF1. Plusieurs sujets abordés, de l'économie à la sécurité en passant par l'emploi. Alors personne ne s'est vraiment débarqué, mais tout le monde est d'accord pour fustiger la politique de François Hollande. Le ton est monté entre Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Alain Juppé en favori est resté en dehors de la mêlée. Il a fait le service minimum, ça lui réussit d'ailleurs puisqu'il est donné gagnant ce matin selon les sondages. 35% des téléspectateurs l'ont trouvé plutôt convaincant. L'agriculture qui sera à coup sûr l'un des enjeux de cette prochaine élection présidentielle. Le monde agricole se porte de plus en plus mal. Le nombre de suicides aurait triplé cette année. 30% des agriculteurs ont des revenus équivalents à 354 euros par mois. C'est en dessous du RSI. Du retard dans l'acheminement humanitaire en Haïti. RSA, oui, pourquoi j'ai dit RSI, ouais. RSA, tu as raison, je me suis trompé d'une lettre. Du retard dans l'acheminement humanitaire en Haïti, l'île est meurtrie après le passage de l'ouragan Matthew. À cela, on peut ajouter le choléra, l'attaque aussi de convois humanitaires. Des groupes profitent du chaos pour détourner les camions avant qu'ils n'arrivent dans les régions où les besoins sont importants. Acte dénoncé par le directeur du programme alimentaire mondial. Le sport, Ligue 1, Ligue 2, c'est du foot et du hand aussi. Ouais, 9e journée de Ligue 1, 2 matchs à l'affiche, en tout cas si la météo le permet. Monaco contre Toulouse à 19h et puis Nice qui accueille Toulon à 20h45. On suivra tout ça dans la radio libre. La 11e journée de Ligue 2, 8 rencontres au programme. Red Star Nîmes, Orléans Tours, Valenciennes Niort, Auxerre Laval, Clermont Le Havre, Ajaccio Reims, Bourg-en-Bresse Amiens et 3 Gazellec. Début des matchs à 20h et puis du hand et le PSG seul en tête à l'issue de la 4e journée de la première division. Les Parisiens n'ont pas été inquiétés par Dunkerque. Score final 37 à 27 et un 4e succès de rang pour la formation parisienne. Bravo les Parisiens. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h30. Ouais. Alonso qui arrive dans un instant et vaut 1500 € tout de suite. Ils ont tous un super pouvoir. C'est un agneau là-bas. Eh ben non, c'est une fusée. Mais non, c'est Super Pif. Difool, alias Super Pif. Romano, alias Super Radin. Carriole, alias Super Rire à la con. Cédric, alias Super Classe. Eh oui, ils ont des super pouvoirs. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Mais oui, on est là, sauf Cédric. Hein. Cédric sera de retour dans la radio libre lundi soir. Grosse soirée spéciale à pas louper. Tiens, on vous l'annonce dès maintenant. Oh, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, le retour de Cédric et sa clavicule cassée. Oh, ouais, moi, lundi soir dans la radio libre. Moi, je suis grave content. Oh, ça s'entend, mais grave. Il nous épargnera le matin. Il revient à mi-temps lundi, là. Ah, il faut le temps qu'on se réhabitue à lui, voyez. C'est vrai. Et vous aussi, d'ailleurs. Bon, on a Alonso qu'on va écouter dans un instant. On écoutera un gros classique de Sky. Mario Winans et PDD pour I Don't Wanna Know, super morceau. Le nouveau Bruno Mars à écouter aussi. Tout ça avant 9h. Je vois un petit Jules qui se pointe et même des places de concert pour Jules. Concert Skyrock de Jules. Encore à gagner jusqu'à ce soir si vous voulez votre Jules. C'est complet à Paris, c'est complet à Marseille, c'est presque complet partout. Oui. Vous pouvez choper vos places. On en reparle avant 9h du matin. Mais bon, on a plein d'autres choses à faire. Valérie D'Amido, le réveil de star. C'est dans un instant, mais surtout, on a de l'argent à vous offrir pour bien démarrer le week-end, pour bien terminer la semaine. J'ai le pognon. J'entends. En ce vendredi matin, de l'argent à choper. C'est tombé il y a une heure à Nice. La pluie tombe, l'argent aussi. C'est Manel. Bisous Manel. Ouais. Elle nous écoutait, elle était hystérique quand elle a gagné, la belle Manel. Ah, c'est, Rémi, tu t'es trompé. C'est Nice-Toulouse et pas Nice-Toulon. Oui. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que tu as voulu dire, mais bah, c'est pas grave, hein, c'est Rémi. Hein. On corrige de nous-mêmes. Monaco se déplace à Toulouse à 19h et Nice accueille Lyon à 20h45. C'est ce qui est marqué sur l'équipe en tout cas, hein. C'est ce que dit l'équipe. Hein. Très bien, bah écoute. Bah écoute, vois avec eux. Hein. Allez, on offre 1500 euros ce matin. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show! Allez, l'enveloppe est ouverte. Alors attention, nous allons dans une ville dont la première lettre est un C. Une proposition? Carcassonne. Non. Caen. Non. Courcouronne. Non plus. Courbevoie. Non plus. Non. Difool, ça l'énerve. Allez, vas-y, continue. Allez. Bon, je vais vous le dire, on va à Chartres. Ah, la cathédrale, Chartres. Chartres, et c'est Jessica Touzé. Touzé. Jessica Touzé, qu'on appelle tout de suite en direct sur Skyrock. 1500 euros à gagner à Chartres. Allez, les Touzé, on arrive. Fallait venir à Cogolin, Romano, on nous dit sur SMS. Ah, c'est, oui, bah, désolé. Ah, allô? Oui. Ah, j'ai pas entendu. C'est Madame Touzé. Bonjour Madame Touzé. Bonjour. Bonjour, tu es Jessica, toi? Absolument, oui. C'est ça. C'est ça, Jessica, tu es dans tes toilettes? Non, pas du tout, je suis au travail. Mais tu travailles dans une, tu travailles dans un cabinet? Dans un bureau, ouais. Dans un bureau. Il est vide ton bureau, non, Jessica? Oui, il n'y a pas grand chose. Ah, bah écoute, ça s'entend. Ça s'entend un peu, ouais, ça résonne. Bon, Jessica, on est en direct à la radio, faut qu'on se présente quand même, hein. T'as l'air sympa déjà, comme ça. En direct, dans toute la France, et on t'appelle pour t'offrir de l'argent, Jessica. On a 1500 euros à t'offrir. Il faut juste répondre à une petite question qu'on va te poser maintenant. Il faut nous dire, Jessica, quelle est ta radio préférée? C'est Skyrock. Eh ben, c'est gagné, Jessica. Bravo. Eh ben, voilà au boulot. Tu viens de gagner à 8h09 ce matin sur Sky. 1500 euros. Tu pourras acheter des meubles pour ton bureau. Oui. Fais-les payer par le patron, hein, les meubles. Hein. On t'envoie ton chèque, nous. Hein. Bon, 1500. Bah, mets-toi, je sais pas, mets-toi vers la fenêtre quelque part qu'on t'entende bien, Jessica, parce que j'aimerais bien savoir ce que tu fais dans la vie. T'es dans un bureau, mais tu nous as pas dit. Alors, là, vous m'entendez? Ah, parfait. Super. Ok, alors bah, je suis assistante commerciale. Très bien. Et dans le patron, c'est un radin, il n'y a rien dans le bureau. Et tu bosses tôt, toi, en plus, ce matin. Hein. Comment? Je dis, tu travailles tôt. Ah oui. Et ah oui. C'est la journée des filles ce matin. Il y a une heure, Manel gagnait 1500 euros. Là, il est 8h09. Mmh. Tu gagnes 1500 euros. Vous allez vous faire plaisir, les filles, ce week-end. Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Très vite. Tu vas faire quoi avec, toi, Jessica? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas encore. Bah écoute, t'as le temps de réfléchir, mais rapide, hein, voilà. Parce que la semaine prochaine, le chèque, il arrive à la maison. Hein, ah ouais, direct. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Eh ben, merci à toi de te réveiller avec nous. Eh ben, pince-toi, tu vas voir, t'es bien sur Skyrock, t'as bien gagné 1500 euros. Gros bisous, Jessica. Merci beaucoup. Gros bisous. Bah, continue comme ça, en tout cas. Gros bisous. Eh ben, toi aussi, hein, continue comme ça. Réveille-toi avec nous tous les matins, et puis ce sera peut-être votre tour dans une demi-heure. Faites comme Jessica, faites comme Manel, répondez Skyrock, et c'est 1500 euros pour vous, il est 8h10. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et c'est Alonso sur Skyrock. Binta Binta et le réveil de star. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer sans boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a coulé la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Skyrock et Binta, attention, il arrive, c'est Mario Winans avec P. Diddy pour I Don't Wanna Know, grand ça, classique. Bon, ouais, gros classique sur Skyrock à écouter juste après le réveil de Star. Les stars réveillent la France. Allez, en avant Guingamp. C'est le réveil de Star sur Skyrock. C'est ça, Valérie. Valérie Damido qui vient réveiller les familles de France. Bienvenue, Valérie. Un truc à faire avec nous ce matin. Est-ce que t'es prêt pour jouer à casse-mur? Non, on va pas casser les murs de l'appart, non. Valérie, c'est pas ça ce matin. C'est sa passion, casser les murs. On va voir ce qu'on peut démolir dans votre maison. Non, rien du tout. C'est pas à nous, on est en location, faut pas casser les murs. Valérie Damido, ex-présentatrice de déco sur M6, et demain, elle commence Danse avec les stars sur le parquet. Oh là là là. Bonjour les amis. Bonjour Valérie. Moi je te dis, elle va virer le parquet, ça va pas supporter. Je vais mettre du carrelage. Oui, bah, super. Hey, elle est bien l'idée, hein. Ouais, l'idée du carrelage, c'est pas mal. Elle réveille donc, qui donc ce matin? Ludo, je crois. Ludo et la famille de Ludo, Ludo et ses collègues. Il a de la chance. Oui, on a réveillé Ludo avec Valérie Damido. Et écoutez bien ce que ça donne à 8h14. Vas-y, Valérie. Au moins, elle réveille bien le matin. Elle en forme. Ah oui. Bonjour. Arrête le jus d'orange. Allô. Salut, c'est Valérie Damido. Et ouais. Ça va. Comment ça va, monsieur bien? Ça va, impeccable. Est-ce que t'es prêt pour jouer à casse-mur? Tu dois avoir un brave coup dans le nez, non? Vous êtes prêts, la famille? Eh ben, vas-y, ben on t'attend, on repasse. Hein. Ah, mais dis donc, c'est quand même dangereux, hein? Voilà, pas du tout, de toute façon, on est que tous les deux. Tu veux pas qu'on fasse une pyjama party cet après-midi? Une pyjama party? Pas besoin de pyjama. À poil. À poil. À poil. T'as un pas, espèce de connard! Oh là! Espèce de connard? Ah, si, ça va très bien. Moi, toujours, quand on est avec une petite salope, ça va super bien, quoi. Toujours pareil. Ça passe crème, comme on dit. Vous, les puceaux, vous êtes protégés au moins, j'espère? Les puceaux? Oula, ça m'étonnerait qu'on soit puceaux, quand même. Ouais, et on se protège, oui. Venez voir nos putes! Eh ben, t'as qu'à venir, on te dit, ramène, hein, au lieu de parler. J'ai affaire à des intellectuels. Tellement tu nous brises les couilles qu'on s'en bat les couilles. Voilà. Tout simplement. On a pété ton mur. Voilà, c'est impeccable. Parfait. Et nous, on va te péter le cul. Allez, en avant Guingamp. Voilà, il y en a avant Guingamp. Bravo, mais oh là là, mais toi t'es mon copain, tu comprends tout. Allez, figure, ciao. Allez, ciao. Allez, elle est contente. Très bon contact avec Ludo et son collègue qui était derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le collègue, Ludo, Valérie Damido. Ça, c'est un bon réveil. Qu'est-ce que c'est? C'est la musique de Danse avec les Stars. Eh, c'est vrai, demain, elle démarre Danse avec les Stars. Eh ouais, ça y est, demain, elle éclate le parquet. Je me suis dit, c'est quoi ce son qu'on passe sur Skyrock? C'est nouveau? Je pense qu'elle va faire un petit cha-cha-cha, une rumba. une roulba même, d'ailleurs. Oh. Les Stars réveillent la France. Bonjour les amis. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Et merci Valérie Damido pour le réveil de Star. Dans un instant, il arrive pour ambiancer notre matinée du vendredi. DJ Roro. Grand quiz de DJ Roro après Mario Williams. Et PDD. Ah, encore un gros son, grand classique sur Sky. I don't wanna know. Ok. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Oh baby, I think about it when I hold you. When looking in your eyes, I can't believe. I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Baby, touch you better than me. Touch you better than me. Want to fall asleep. Want to fall asleep. How you moving? I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go. And I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You want the ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best you leave. Holla. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Gros son pour se réveiller le matin sur Skyrock. Un gros classique, Mario Winans, PDD, I Don't Wanna Know. N'oubliez pas, dimanche soir, 18h-20h avec Maxime, il y a Skyrock Classics, tous les grands classiques de Skyrock. Et attention, on parle de son, et bien on est à fond dans le son. Le bon son arrive, je vous garantis que ça va chauffer dans les chaumières. DJ Roro est là. Il a formé David Guetta. Ok, ouais. Enfin, c'est ce qu'il raconte, hein. Voici DJ Roro sur Skyrock. Ouais, le DJ Roro du vendredi matin pour tester nos connaissances musicales. DJ Roro est là. Ouais. Comment ça va? Ça va. Ok. Et je te le dis, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Ok. Tu vois, toute l'équipe t'attendait, les auditeurs, les auditrices. Il y a Alia là qui t'attendait avec impatience. DJ Roro, j'adore. Eh bien, je suis la poupée. Fran Park qui nous dit DJ Roro, je t'aime tellement que je te fuck à Ibiza. Super, Fran Park. Ouais. Bah écoute, viens avec moi parce qu'en ce moment, il n'y a pas full. Hein. Donc, il vient nous rendre visite tous les vendredis. On va tester nos connaissances musicales avec son mix dans un instant. Mais d'abord, il faut se qualifier pour jouer avec nous. Un garçon, une fille vont être sélectionnés au 41-759 ou alors avec l'appli Skyrock. Yes. Et pour la question de sélection, c'est simple. Avant de mixer, il va chanter ce matin. Je chante. Oui. Attention. Écoutez bien, il chante. Faut reconnaître le morceau. Si vous êtes des nouveaux et des nouvelles, vous allez voir, il chante très bien, mais c'est pas facile à reconnaître. En même temps, je suis DJ, je suis pas chanteur. Alors. Alors, attention. attends. La la la la la la la la les Schtroumpfs. Non, c'est pas les Schtroumpfs. Alors Alors je vais lire les messages. Romano, est-ce que c'est PNL, un message de l'inconnu? Ah non. Non, est-ce que c'est Rihanna? Ah non plus. Gaël de Toulouse nous dit putain c'est dur. Oui, c'est même un irreconnaissable. Parce que moi je sais en plus ce que c'est. Mais d'inconnu. Maintenant, j'ai regardé sur tes papiers. J'ai regardé sur tes papiers. Rihanna, non, c'est pas ça. Nanini, nanina, ninini, nanina, nanana, nanana. C'est pas Jules, c'est pas Dora non plus, c'est pas Nicki Minaj. Il y a pas qui trouve. Vos messages vite au 41-759. C'est pas Florida, c'est pas Drake, c'est pas Beyoncé. Allez-y, c'est pas Daft Punk, c'est pas The Weeknd, c'est pas encore Nicki Minaj. Il y a Taïeb qui nous envoie Nicki Minaj. Alors attention, est-ce que ce matin exceptionnellement nous n'aurons pas de candidats? Je sais pas. La réponse dans un instant. Proposez si vous avez reconnu. Envoyez. Vous nous envoyez ça. C'est pas Black M, c'est pas Shakira. Non. Venez faire la fête avec DJ Roro et gagner votre âme folle. Béné nous dit c'est Binta d'Alonso. Tu te rapproches, mais c'est pas Alonso, c'est pas Binta. La réponse dans un instant. Qu'est-ce qu'il a chanté DJ Roro? Qu'est-ce que j'ai chanté? Vous saurez tout. Et vous allez tenter l'iPhone 7, hein. Et ouais, vous allez jouer avec son mix. Un garçon et une fille qui vont s'opposer l'un contre l'autre. Bonne chance à vous. Vous n'êtes toujours pas fatigué? Oh, on n'est pas fatigué. Ouais. Alors, il est 8h22, c'est vendredi, tout va bien, on est sur Sky. Et si on m'installait la fibre chez moi de A à Z? Moi, quand je suis passé à la fibre d'Orange, un technicien est venu chez moi tout installer. Ah bah moi, il a connecté la Livebox, le décodeur et il a paramétré mon ordinateur. Ah pour moi, il a fait comme pour vous, mais en mieux. Bah ouais, c'était gratuit. Bah nous aussi, hein. Bah qu'est-ce qu'il croit? Avec Orange, un technicien vous installe la fibre 100% fibre et vous accompagne dans la prise en main de vos équipements. Toujours un temps d'avance pour vous rendre service, vous rapprocher de l'essentiel. Orange, offre soumise à condition en France métropolitaine, sous réserve d'éligibilité. Détails sur service.orange.fr. Bah, pourquoi tu cries? Eh voilà, il rentre plus dans son jean. Mais non, je suis énervé là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Et entre nous, une bonne côte de porc, y a rien de meilleur. Ah oui, Michel, sauf qu'on a encore mieux chez Carrefour Market. Ah, vous m'intéressez, là. Jusqu'au 16 octobre, pour deux plateaux de côte de porc origine France achetés, le moins cher des deux est gratuit. Avec un peu d'herbe de Provence, je vous dis que ça. Ok, je les prends, les côtes de porc. Ah, et vous avec pour me les préparer. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Porc côte avec os à griller, le plateau de 8 pièces minimum, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Aujourd'hui vendredi, nouvel arrivage chez Electro-Dépôt. Le rasoir électrique pour homme Philips 3 têtes flottantes est à un prix électro-dingue de 24,97€. Dépêchez-vous, il n'y a que 290 pièces. Electro-Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. 5 centimes d'éco-participation. Détail de l'offre en magasin. Electro-Dépôt est le meilleur chaîne de magasins multimédia et électroménager de France. Salut, c'est Antoine Decaune. Je suis là pour vous parler de liberté. Liberté de regarder les matchs de foot de Canal+ dans votre bain. Des films pendant une cérémonie ennuyeuse, des séries en cachette au bureau. Cette liberté, mesdames et messieurs, on peut maintenant s'y abonner sans engagement dans MyCanal. Vive la liberté! J'aurais dû faire de la politique, moi, non? Nouveau, découvrez Canal+ sans engagement dans MyCanal à 19,90€ par mois seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur mycanal.fr pour en profiter. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Les 4 semaines les moins chères de France continuent chez Intermarché. Cette semaine, vous avez jusqu'à 70% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 70% d'économies. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasin participant sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Et donc, vous êtes cascadeur depuis combien de temps? Ça fait 30 ans que je sillonne les routes dans ce van et je dois avoir plus de 700 tournages à mon actif. Oh, c'est dangereux comme métier, non? Ah, je compte plus les brûlures et les fractures. Vous savez, le risque, c'est toute ma vie. Ah, vous vous arrêtez au passage à niveau, vous. On a le temps de passer, non? Ah bah, s'il y a bien une cascade que je tenterai jamais, c'est de franchir un passage à niveau fermé. Ne risquez pas votre vie au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Leclerc. Les super pouvoirs d'achat continuent chez Leclerc. Regarde chérie, pour toi, ce magnifique pull col en V 100% cachemire à un prix tout doux. Mon amour. 36,95€ le pull en cachemire. Si je ne t'achète pas un pull cachemire à ce prix-là, tu ne m'en achèteras jamais. Allez, pas dit ça. Du 11 au 15 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le pull col V modèle femme 100% cachemire est à 36,95€. Voir modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs de Charles Leclerc. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Bonjour Samuel, voilà, je suis aficionado depuis 3 ans. Bonjour Samuel. Je suis accro, mais comment ne pas l'être? Imaginez, plus de 1000 produits du quotidien au prix le plus bas du hard discount. C'est imbattable. Bravo Samuel. Netto, le discounter qui fait la différence. Voir modalité en magasin et sur netto.fr. Ah, on va avoir la réponse. La saison de jouer avec DJ Roro, il est 8h27 sur Sky. Ok. Oui. Il mixe avec ses pieds. Enfin, surtout comme un pied. Voici DJ Roro sur Skyrock. Et on a avec nous Ouda et Aydin. Vous êtes forts parce que vous avez réussi à trouver la bonne réponse. Bravo. C'était pas facile. Hein. Bonjour Ouda. Salut les foules. Salut Ouda. Salut Ouda. En direct de Clermont-Ferrand et bonjour Aydin. Salut à tous, salut à toute l'équipe. Salut. En direct de Gonesse. Et DJ Roro, t'es filmé sur Facebook Live, la Skyrock FM Facebook Live, t'es en vidéo, dis donc. Arrêtez, j'ai le track. Ah, ouais. Bon, Ouda et Aydin, vous avez reconnu la chanson que nous chantait DJ Roro il y a un instant. Un petit extrait, vas-y Romano. Roro, pardon. DJ Roro, oui. Pas que je me trompe. Il faut pas m'insulter quand même. Alors. DJ Roro a un bug, il a pris trop de trucs à Ibiza. C'est ça. Attends, là, j'y arriverai plus. Alors, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Soprano. Soprano, je suis en feu. Fire. Eh, vous méritez votre. Il est bâtard, il chante super bien. Ah, ben ouais, je suis un artiste. Ouda et Aydin, vous avez marqué votre premier point. Le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui arrive à 3 points avant l'autre. Vous connaissez le principe. Et le gagnant ou la gagnante gagne quoi ce matin? Un iPhone 7. Mais oui. iPhone 7. Aydin et Ouda pour vous. L'iPhone 7. Et là, c'est l'heure du grand mix. Donc, c'était En Feu de Soprano. Hein. L'album sort aujourd'hui. Et le Play Trap, c'est ce soir entre 20h et 21h en direct de Marseille. C'était ça qui chantait. Je suis en feu. Oui, il est en feu, oui. Alors, attention, maintenant il va mixer. Vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêts? Ready to go! Musique! Mix! Pop, it's showtime! Guess who's back again? C'est nouveau ça! Il a parlé à Aydin. Ah, Aydin avait dit. Il avait parlé, ouais. Et Aydin, prends bien ton téléphone parce qu'on n'a pas entendu. Hein. Bruno Mars, je disais. Oh, enfin. Alors, demain, on va. Allez, on met un point chacun. Oh, qu'il est généreux ce DJ Roro. C'était Bruno Mars. Donc, on vous a fait découvrir la semaine dernière dans le morning. Et on l'écoutera dans un instant, le nouveau Bruno Mars sur Skyrock. Donc, on est à deux partout. Hein. On va le faire comme ça. Allez. Et Aydin, parle bien ton téléphone. On t'entendait pas. D'accord, excusez-moi. Allez, t'inquiète, hein, c'est pour toi. Hein. Attention, ça mixe. Attention, c'est la balle de match. Ah oui, déjà, celui qui gagne, gagne. Ouais. Celui ou celle qui gagne marque le point, repart avec l'iPhone. Ouais. Attention, vous êtes prêts? Je vais mettre le feu. Je ferai semblant de te croire. non. Non. Oui, Houdin. L5. Et ouais, c'est pas la Rousseau, c'est les L5. Toutes les femmes de ma vie. Oh, DJ Roro, tu nous as ressorti un truc. Et puis Houdin, elle est fan en plus. Toutes les femmes de ma vie. Toutes les femmes de ta vie. Houdin, c'est gagné, l'iPhone 7, il est pour toi. Eh, bravo Houdin, bien joué. Et puis je vois que tu connais tes classiques, dites donc. Ah oui. Ah bah oui. Et les bons. Les bons, les meilleurs. Ah bah grave. Bon, un iPhone 7 pour toi, Aydin, t'inquiète. Ouais, bah si tu peux y croire, c'est gagné. Ah oui, oui, c'est bon. Aydin, tu ne repars pas sans rien. On t'envoie le t-shirt Skyrock, on t'envoie le FIFA 17 aussi en plus à la maison. Tu vois, t'as bien fait de venir. Ok, super, merci beaucoup. Et je dédicace DJ Roro sur une feuille. Oh, wow. Oh, super. Wow. Ah ouais, parce que je suis généreux. Houdin, une photo, s'il te plaît. Ah, la photo. Je vais dédicacer sans problème. Et Houdin, si tu veux échanger, je sais pas, une dédicace de DJ Roro contre l'iPhone 7, hein, c'est possible. Non, ça ira. Non, je suis tout aussi radine que lui. Disons que je prends exemple. Bien joué, Houdin. L'iPhone 7, encore un iPhone 7 qui tombe ce matin, c'est super. Et puis, bon, le FIFA, il est pour Aydin. On aura d'autres FIFA au filet ce soir entre 21h et minuit, d'ailleurs. Ok, ouais. Aydin, pour toi, c'est fait. Tu reviens jouer quand tu veux. Et bisous. Houdin, merci Houdin. Bon, je vous kiffe. Super, parce que... Merci à vous. Sans rien. Merci pour la bonne humeur que vous nous donnez. Ouais, on va peut-être changer la voix de DJ Roro pour chanter, peut-être. je vous laisse, les amis. Je retourne à Ibiza. Ah, bah écoute, bon week-end à Ibiza. Va t'éclater. Il va faire un temps de merde. Là, je vais faire des travaux dans une discothèque. Très bien. Changer les spots. Ah ouais. Le roi des DJ est de retour vendredi prochain. Bisous, ciao. Bisous. Salut. Ciao, bonne journée, bon courage. Merci à toi Aydin, merci Houdin, un gros bisou à tous les deux. Et dans un instant, 1 500 € à gagner. C'est pour vous, bonne chance, t'es déjà tombé deux fois. Allez, on dit jamais 203, on croise les doigts. Et on en reparle juste après Rémi et les infos. Il est 8h32, c'est donc l'heure de retrouver l'actu. On va parler de la météo, bah oui, la météo est dans l'actu aujourd'hui. Il pleut toujours dans le sud. Il pleut toujours dans le sud, on a l'Hérault en vigilance orange, pluie, inondation. On a aussi le Gard, l'eau de l'Aveyron et le Var. Attention, plusieurs routes coupées dans l'Hérault. Encore une fois, les établissements scolaires sont fermés, il n'y a pas de bus non plus. Côté ciel, eh bien la journée sera plus à l'est, orageuse dans le sud, plus calme et ensoleillée sur la façade ouest. Ça ira bien mieux demain et dimanche, un week-end relativement ensoleillé partout, sauf sur le nord-ouest, principalement de la Bretagne, on va dire, de la Bretagne aux frontières du nord. Les températures en hausse ce matin, comprises entre 5 et 15 du nord au sud, 9 à Paris, entre 12 et 16 du nord de la Loire, enfin au nord de la Loire cet après-midi, de 17 à 21 dans le sud et même jusqu'à 25 à Bastia. C'est plutôt pas mal pour les Corses. La pollution, ça reste acceptable. Les indices compris entre 2 et 4. Dans un instant des news d'Antoine Griezmann dans les infos. Oui, Griezmann qui répond à Ribéry, mais tout de suite le reste de l'actu, l'actu et le sport. Et attention aux jeux vidéo en ligne, la sonnette d'alarme est tirée par des chercheurs grenoblois. Ils viennent de publier une étude qui démontre que les gamers sont souvent soumis à l'anxiété, à la dépression aussi. Les joueurs mettent en avant leur solitude et un échec scolaire dû à cet isolement qui en découle. Les scientifiques parlent même d'un retrait social pour les plus accros. L'étude sera publiée officiellement le mois prochain dans une revue scientifique. Et puis n'hésitez pas à gagner vos jeux sur Skyrock et vos consoles aussi sur Skyrock. Non mais là ça va, c'est en ligne et tout, donc c'est surtout les ordi et tout quoi. Bien que on joue aussi en ligne à la PS4. Oui. Une nouvelle manière d'aborder sa recherche de boulot si vous êtes inscrit à Pôle emploi, c'est une grande nouveauté qui vous attend dès l'an prochain. L'établissement public veut accélérer sa politique de dématérialisation. Alors on ne sera plus contraint de se déplacer en agence, mais les rendez-vous se feront par voie de webcam. Ce sera bien évidemment sur la base du volontariat. Ceux qui n'ont pas internet ne seront pas obligés et ne seront pas radiés non plus des listes de Pôle emploi. 20 ans de prison pour deux frères marseillais considérés comme des caïds de la drogue. François et Nicolas Banglais ont été condamnés pour la séquestration d'un buraliste en 2010. Ils ont en revanche été acquittés pour une fusillade. Les jurés n'ont pas suivi les réquisitions prises par l'avocat général qui a demandé 30 ans de réclusion à Aix-en-Provence. L'avocat des deux accusés estime que la peine est un petit peu lourde et réfléchit à un éventuel appel. La Chine qui continue de mettre la main sur le foot français après Sochaux et Nice, c'est un autre club mythique qui passe sous pavillon chinois. La JOCR et son stade de la Baie des Champs seront vendus jeudi prochain. Le club bourguignon qui évolue en Ligue 2 sera racheté pour 7 millions d'euros. Et du sport encore avec donc la réponse de Griezmann à Franck Ribéry et la Ligue 1 aussi. Griezmann qui n'est pas du genre rancunier après que Ribéry ait dit de lui qu'il n'était pas un joueur de classe mondiale. L'attaquant a simplement répondu pour mon père si je suis le meilleur du monde. Et pour les fans de l'Atlético aussi, chacun a son opinion. Il estime que les autres qui disent qu'il n'a pas le niveau, eh bien c'est leur droit, mais si qu'il reste encore aussi du travail, des choses à prouver. Bref, une réponse classe, bien loin du niveau de Ribéry pour le coup là. Et puis la 9e journée de Ligue 1, 2 matchs au programme, si la météo en tout cas le permet. Monaco se déplace à Toulouse à 19h et puis une rencontre intéressante entre le leader et le 5e du classement. Nice accueille Lyon à 20h45, ce sera à suivre dans la Radio Libre. Oui, à pas louper, ce soir dès 21h, juste après le Planète Rap en direct du stade Vélodrome avec Soprano et Fred. Loupez pas 20h-21h, gros Planète Rap ce soir. Merci Rémi pour les infos, à tout à l'heure, il est 8h36. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le Morning de Difool sur Skyrock. Et oui, une journée moins longue grâce au morning. Et c'est toujours trop court le morning. Il nous reste quoi, une demi-heure? Là jusqu'à 9h10, on est là. Oui. Profitez-en. On aura du Joule à vous offrir. Joule à gagner sur Skyrock. Et ben ouais, vous chopez votre concert de Joule. Celui que vous voulez, c'est au choix. Hein. Vous pouvez aller le voir à Marseille, à Paris, à Amnéville, du côté de Metz, en Lorraine. Et puis, à pas louper aussi, à Nantes. Joule, il tourne, c'est sa première tournée. Et c'est évidemment une tournée Skyrock à gagner. Je vous donnerai le top tout à l'heure. On va jouer pour les 1 500 € tout de suite. Oui. Et puis, on va parler bobo, douleur. C'est où le dernier endroit où vous avez eu mal? Moi, c'est la tête. Moi, c'est au genou. Moi, c'est la tête. Toi, c'est au genou? Ouais. T'as eu mal au genou? Ouais, je me suis tapé le genou contre une porte. Forcément. Ah, bah oui, forcément. Oui. Ouais. Essaye avec la tête, tu verras, t'auras mal à la tête. Hein. Ah ouais? Non, mais tu peux faire le test, carrément. Ouais, je vais essayer, ouais. Bon, le dernier endroit où vous avez eu mal. Moi, tiens, c'est bien malheureux à dire, mais c'est à l'anus. Bah oui, c'est quand t'as eu ta petite gastro, ta petite intoxication alimentaire de mercredi. Ouais, c'est ça. Et j'avais très mal aux fesses. Et bah donc, c'est encore mal au l'anus, moi, la tête, Karim, le genou. Dites-nous le dernier bobo que vous avez eu et on va parler d'un mal qui touche tous les âges. Ouais, dites-nous, vous avez mal. Et tu vas soigner les Français ce matin. Oui. C'est docteur Romano. J'ai mal à mon corps. J'ai mal à ma France. Ça, c'est Gilles Verdez. Oui, c'est ça, ouais. Bon, vous préparez, les conseils pas chers arrivent. Mais avant ça, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a 1 500 € à vous offrir. Oui, on est prêts. Peut-être pour la 3e fois, c'est déjà tombé 2 fois ce matin. Grosse matinée, hein. Attention. Et chez qui ça va tomber? Je vous dis ça, j'ouvre l'enveloppe, c'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Il y a des vantards, là, je vois les messages qui défilent pour les bobos. Il y a Yann qui dit, moi, j'ai eu mal à la quéquette. J'y suis allé trop fort. Ah bah oui, forcément. Salut Yann. Bon, alors, avant de mater tout ça, vous avez mal partout. Vous offrir 1 500 €. Bah oui, si tu prends tous les messages, ça n'arrête pas de défiler. On a toutes les parties du corps là. Ah ouais, tout. Bon, 1 500 €. Alors, on va où? On va à Nantes, si vous nous écoutez dans le 44. Et à Nantes, plus précisément, vous allez peut-être gagner 1 500 €. La famille tirée au sort et la famille Lecel, c'est Pascal Lecel. Pascal avec un E. Donc a priori, une fille. Oui. Pascal Lecel pour les 1 500 €. Pour gagner, il faut répondre Skyrock. Bien sûr. Bonne chance, Pascal. Pascal Lecel. C'est la 3e ou la 4e? Allez, on va dire c'est la 3e parce qu'on est sympa. On est bien généreux. Bonjour, ici Pascal Gérard Lecel. Si votre message est d'ordre commercial, merci de raccrocher. Sinon, laissez-nous votre message et nous vous rappellerons dès que possible. Très bien. Oui, donc ça, c'était Gérard. Gérard qui doit donc vivre avec Pascal. Sans doute. Mais qui malheureusement ne gagnera pas 1 500 €. Ah, et qui c'est commercial, laissez un message, sinon barrez-vous. Sinon barrez-vous. Cachez-vous. Bon, pour gagner, c'est facile, vous répondez Skyrock. C'est tombé tout à l'heure, il y a une demi-heure, chez Jessica. Mais c'est tombé aussi chez Manel à Nice, écoutez. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute tous les matins, je suis trop contente de vous avoir, c'est Skyrock. Mais oui, donc ta radio préférée pour faire les choses bien, tu sais, dans les règles. Skyrock. Ouais, c'est gagné. Ouais. Bravo Manel. Bravo. Bien joué. Ah, franchement, je suis super contente, j'y croyais plus. Voilà, ça arrive un jour ou l'autre. Inscrivez-vous au 720, vous pouvez le faire tout au long du week-end pour qu'on vous rappelle lundi matin, 720, vous envoyez 1 500 et nous on écoute Major Lazer et dans un instant Romano nous soigne. Oui. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Different. for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know. Mars arrive sur Skyrock, là c'était Justin Bieber et Major Lazer, le nouveau Bruno Mars, on l'avait promis, il arrive avec toi, t'es fort, Magic. Et à 8h42, on parle des petits bobos, des petits endroits où on a eu mal. Merci pour tous les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure. Bon, je crois qu'on n'a pas une partie du corps où quelqu'un n'a pas eu mal. Bon, là j'ai un pied, j'ai pris la table, tu passes en plein dedans et bim, ah ouais, ça fait super mal. Moi c'est au tibia, bah voilà, on remonte un petit peu. Il y a Ayman, alors lui on est tout en haut, c'est la tête. La tête, moi j'ai mal au cœur, oh t'es triste, triste histoire d'amour peut-être. Cyril, tu as mal au cœur, elle t'a brisé ton petit cœur. Cyril, 35 ans, qui nous envoie le message. Dans le Jaman, aux dents, la famille. Ouais, ah ouais, j'en ai plein des dents. Les dents, c'est relou. Hein. Ouais, j'ai Florence qui s'est fait mal aux dents. Florence, 35 ans, qui nous envoie un message. Mal au dos pour Shockman, 28 ans. Mimi, 47, luxation au genou pour moi. Moi, je me suis détruit le pied en sport. Cool, pas de sport pendant un mois. ça te fait plaisir. Ah, Achille qui nous a laissé le message. Il y a Soussou aussi qui a mal au ventre, vous voyez ce que je veux dire, je suis une fille. Ah, ça arrive une fois par mois, ma chérie. C'est les périodes. Eh ouais, Anthony mal à l'anus. Ah bah tiens, comme toi, Romano. Faites attention, il y a plein de petites saloperies qui traînent au niveau de l'anus, justement. Hein. C'est vrai, ouais, les gastro, elles arrivent. Et les grippes intestinales sont là aussi. Aussi. Ouais. Romano, tu vas parler d'un truc qui touche tous les Français. Bah, les douleurs. Oui, bah oui, j'ai vu les messages, ça touche vraiment tout le monde. Mal à la gorge, regarde, je suis tombé dans les inondations cette nuit. C'est Anon du 34. 93% des Français ont déclaré avoir déjà enduré des douleurs articulaires au moins une fois dans leur vie. 80%, bon, c'est régulièrement. Une personne sur deux, 18-24 ans, sur trois souffrait de douleurs articulaires. Une personne sur deux sur trois. Alors, une personne sur deux est un jeune 18-24 ans. Sur trois. Bah, c'est ce qu'il y a de marqué sur cette feuille. Hein. C'est incompréhensible. Hein. On t'a mal préparé ta feuille, dis donc, Romano. Hein. Bon, une personne sur deux en souffre de tous les âges et un jeune sur trois. Eh ouais, parce que les douleurs articulaires, c'est pas que pour les vieux. Eh ouais, pour tout le monde, ouais. Bah, c'est vrai que ça arrive. Hein. Moi, une fois, j'ai fait très mal au genou. On avait été obligé de m'évacuer pendant la radio libre aux urgences. Ouais. Bah, j'en pouvais plus. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais su ce que j'ai eu. Mon donné du doliprane et je suis reparti avec une attelle. Ah bah, t'es reparti avec un truc, tu devais être content. Ouais, bah, je l'ai payé. Hein. Ah, t'as payé, hein, tu devais pas être content. Ah ouais. Alors. La meuf, elle me dit, vous le prenez parce que c'est payant. J'ai dit, on peut pas l'avoir gratuit, elle m'a dit non. Sinon, vous partez sans rien. Une bonne occasion pour te faire de l'argent en plus ce matin. Ouais. Bon, ce matin, comment soigner les petites douleurs? Les massages? Mais oui. Eh bien, ce matin, je vais masser les familles, elles vont être contentes. Ah, Romano le kiné. Eh ouais, je suis kinésithérapeute. Le grand retour du masseur Romano dans les conseils pas chers. Des scientifiques se sont penchés sur son cas. Il a le gène de l'arnaque dans le sang et il n'y a rien à faire. Romano et ses conseils pas chers sur Skyrock. Non, on a déjà tout essayé, il n'y a rien à faire, rien. Non mais là, c'est pas une arnaque, hein. Je fais du bien. Oui, mais t'es pas kiné. Tu sais, des fois sur les plages, il y a des meufs, elles veulent te masser, elles sont pas kinés non plus. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, non mais bien vu. Bon, bah, comment on peut plus aller sur la plage? Oui, hein, Thierry? Oui, Thierry? Oui. Oui, comment tu vas? Ben, c'est qui l'appareil? Eh, c'est ton masseur. Je voulais venir te masser ton corps dodu ce matin. Est-ce que je peux passer te voir? T'as pas une petite douleur en ce moment? Tu te sens bien, Bilout, là, parce que t'as un problème, non? Ben, j'ai envie de te masser ton corps dodu, t'es le huilé, et de te masser toutes les parties du corps, même les plus intimes. N'importe quoi. Je peux venir dans 5-10 minutes, là? Non, il y aura deux questions, non? Sinon, je peux le faire à ta femme, hein, ça m'arrangerait même. Ouais, tu peux aussi te faire mettre par ton copain qui est à côté de toi. Ah non, merci, c'est très gentil, mais qu'est-ce que tu me mets là-dedans, toi aussi, Dieu? Est-ce que je pourrais venir masser ta femme? Bah, je vous fais un massage à tous les deux. On se fait un body to body, baby. On se met nu et on se frotte plein d'huile. Allez, je viens. Je sens que t'es en train de craquer, là. Je crois aussi. Oui, il va craquer. Allô? Tu parles plus? Eh ben, désolé, Biloute. Tant pis, Biloute. Tu sais pas ce que tu rates. Le masseur. Okay. Le masseur aux mains d'or, c'est moi. Le masseur aux mains d'or. Ouais. Il est tellement radin qu'il a même les mains en or. C'est quand même trop. Allez, je peux venir dans 5 minutes? Non, j'ai pas envie, non. Bon, non. Bah, tant pis, je vais appeler quelqu'un d'autre. Tant pis pour toi. Ouais. Tant pis pour toi. On appellera ta femme quand elle sera pas là. Ouais, quand tu seras pas là. Ah, pardon, oui, c'est ça. Ouais. Parce que si elle est pas là, elle répondra pas. Oui, c'est con, oui, c'est vrai. Eh salut, salut Biloute. Elle est partie, Biloute. Il était pas loin de craquer, hein. Ouais, c'est clair. J'ai senti, mais bon. Romano, on en a d'autres. Ah, bah, j'espère bien. Parce que là, bon. Allô? Nicolas. Ouais, c'est la femme de Nicolas? Oui. Oui, comment tu vas? C'est qui? C'est le masseur que Nicolas a commandé pour toi. Excuse-moi, j'ai beaucoup de mal à parler. Je vais venir te. Non, il doit avoir erreur. Non, mais je vais venir te masser ton corps nu. On va se faire un body to body, baby. Mais hein, baby. T'es qui pour me parler comme ça, toi? Bah, je suis ma sœur, hein. Moi, Nicolas, il m'a contacté. Il veut que je fasse un body-body avec toi. Tu vas avoir un body-body sur le coin de ta gamelle, ça va faire tout drôle. Non, mais on se met nu, on se met de l'huile, et on se masse comme ça, le corps nu. Et huilé. Oh. C'est marrant, le body-to-body a moins de succès que je pensais. Allez, on en fait un troisième. Un petit dernier pour Allez, la un route. Petit dernier, ouais. On va pas s'arrêter sur un échec. T'as pratiquement tout réussi cette semaine dans les pas chers. Chez Thierry. Chez Thierry. Allez. Se laisser aller, Thierry. Allez, Romano, ce serait con de terminer sur un échec alors tout s'était bien passé. C'est vrai, hein? Je vais peut-être mettre une ambiance érotique. Ah non, c'est la femme de Romuald. Allô? Ouais, la femme de Romuald. Oui. Salut, comment tu vas? Ça va, c'est qui? C'est Romuald qui m'a demandé de passer à la maison ce matin. Il faut que je vienne te masser. Je suis masseur kinésithérapeute. Et ce matin, j'aimerais bien faire un body to body avec toi. Ouais, c'est une connerie, merci. Nuit avec de l'huile. Non, bah, je te dis, le body to body. À moins de succès que je pensais. Putain, hein. Merde. Bon, faites-vous masser. Et attention, attention, les Français ont mal à des articulations. Si ça vous arrive, vous êtes pas les seuls. Oui. Les jeunes, les vieux, tout le monde. Tout le monde a mal. Oui, ça fait mal, les mal. J'ai mal à ma France. Oui, alors ta gueule, Gilles Verdez. On n'est pas dans Touche pas à mon poste ici. J'ai attention, mal à ma France. Allez, 8h48, dans un instant. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de mal d'amour aujourd'hui. C'est l'heure de l'horoscope de l'amour. On découvre tout ça dans une minute sur Skyrock. Et on fait notre compile du jour. La compile arrive, préparez-vous. Sadek. Sadek, découvrez son hit Andale avec Gradure sur sa nouvelle mixtape. Sadek Andale à écouter sur Deezer. La literie est en folie chez But. En ce moment, jusqu'à moins 50% sur une sélection de grandes marques de literie. Moi, on me dit ça, je me réveille. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. Leclerc. Les super pouvoirs d'achat continuent chez Leclerc. En ce moment, deux packs de Volvic achetés, deux packs offerts. Deux achetés, deux offerts sur de la Volvic. Parfaitement. Deux packs de Volvic achetés, deux packs offerts. En ce moment, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Du 11 au 15 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat de deux packs de 9 litres d'eau minérale naturelle Volvic, deux packs sont offerts. Vend modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Bah tiens, justement, on parle de Leclerc. La compile du jour arrive dans un instant sur Skyrock avec les clients amochés dans les magasins. Si vous allez faire du shopping ce week-end, ça peut vous concerner. Si vous bossez dans un magasin, ça peut vous concerner aussi. C'est la compile juste après Bruno Mars et l'horoscope tout de suite. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce vendredi 14 octobre. Voici les puissances amoureuses de tous les signes. Comme tous les matins, on vous les donne. Les Gémeaux, les Vierges, vous avez zéro aujourd'hui. Un peu de mal à reconnaître vos torts aujourd'hui. Vous êtes un peu de mauvaise foi. Ça risque d'énerver les autres. Bon, et puis en plus, personne n'est parfait. Donc relativiser, c'est pas grave. Ça vous passera demain. Gémeaux, Vierges, 0 sur 5. 1 sur 5, c'est la puissance amoureuse des Sagittaires et des Capricornes. Oui. Attention à vos petites piques aujourd'hui. Vous êtes piquants. Bon, on peut vous en vouloir. Faut pas afficher les autres, hein. Pas faire ça devant tout le monde. Capricorne, Sagittaire, 1 sur 5. 2, les balances et les lions. Si vous êtes célibataire, il ne faut pas s'emballer trop vite si quelqu'un vous plaît. Allez-y cool. Et si vous êtes en couple, réfléchissez à un moyen de surprendre votre partenaire. Elle en a besoin ou il en a besoin. 3 sur 5, les béliers et les poissons. Ah, les astres sont avec vous aujourd'hui et les astres seront sympas avec vous. et les autres aussi. Et ouais, on vous fera des compliments, on vous câlinera, on vous cajolera, on vous entendra, les béliers, les poissons, vous avez 3, 4 sur 5, les scorpions et les cancers. C'est votre confiance en vous qui va attirer les autres aujourd'hui. Ça va vous aider à arriver à vos fins, notamment si vous êtes sur un coup, les célibataires. Et 5 sur 5, les meilleurs du jour, les taureaux et les verseaux. 5, ça veut dire une journée très très chaude pour vous. Absolument. Très chaude dans la séduction, très chaude dans la drague et très chaude sous les draps aussi. Hein. Ah ouais. Voilà, une belle journée, les meilleurs du jour. Notez bien, vous pouvez vous vanter aujourd'hui. Les taureaux et les verseaux, bravo. Oui. Le Morning Daddy Fool. Oui, qu'est-ce qu'il sait ? 6h, 9h sur Skyrock. Ça va plus la tête, hein. Qu'est-ce qu'il sait ? C'est le nouveau Bruno Mars, là. 24 Magic et la compile des clients amochés dans les magasins, c'est juste après le nouveau Bruno Mars sur Sky. Magic sur Skyrock, le nouveau Bruno Mars, vous l'avez découvert la semaine dernière dans le morning. Bruno Mars, c'est bien ce qu'il fait Bruno Mars. Ouais. Et là, notre compile du jour, vous allez faire des courses ce week-end. Bah ouais, le week-end en général, ça course. Ah oui. Oui. Ça shopping un peu partout. Faites attention, on peut tomber sur des clients un petit peu bizarres. On salue d'ailleurs ceux qui bossent dans les magasins, qui nous écoutent tous les matins. Les supermarchés, les supérettes, les épiceries, tous les autres. Oui. Faites attention aux clients. Mais ouais, les clients qui sont... Il y a des tarés, a priori. Un petit peu, oui, tarés ou amochés, c'est... Il y en a. Un petit peu comme vous voulez. C'est la compile du morning, la compile des clients amochés dans les magasins. Allez. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors, j'ai le choix, parce qu'on est en fait une petite compile des infos sur lesquelles on est tombé ces derniers temps. Et, je peux commencer par le numéro 3. Allez, Ça c'est logique. Numéro 3. Oui, on va faire 3, 2, 1, comme ouais, dans la compile. Ça, c'est doux, bon, ça s'est passé en Alsace. Bon, il y a un gars qui adore son animal. Il l'adore. Vous savez que les animaux n'ont pas le droit de rentrer dans les magasins. Non. Bah, non, ça dépend. Mais bon. Lui, il est arrivé avec un cheval. Un cheval. Parce que son animal, c'est un cheval. Normal. Il est arrivé dans le rayon pommes parce que le cheval adore manger des pommes. Ah mais bah, lui, il devait être content, le canasson. Vous imaginez, je sais pas, vous bossez dans un, je sais pas, dans un Leclerc, dans un Franprix, dans un Carrefour, dans un Auchan ou ailleurs, et vous voyez rentrer un type à cheval. En plus, les chevaux, ça chie partout. Hein. Ça, c'est un truc. Ah et puis quand ça chie, j'ai l'impression que ça passe sa journée à chier un cheval. Mais non, mais puis allez voir les défilés du 14 juillet, tout ça. Hein. Ça fait des bousins, mais. Ouais. Un balèze, ils ont des petites culottes derrière. Hein. Oui, des petites culottes pour récupérer le caca. Ouais, je récupère bon, merde, ouais. Là, malheureusement, non. Il est rentré dans un Super U, le gars, avec son cheval, direction le rayon des pommes, le canasson. Bon, il s'est fait son petit déjeuner, puis après, il est ressorti. Très bien. C'est voilà. Mignon. Le cavalier a publié son exploit sur Facebook, mais la gérante a quand même appelé, la police ou pas, d'après vous? Non. Bah oui. Non. Elle a appelé tous les clients du magasin pour voir ça, ça l'a trop fait rigoler. Ouais. Elle a pas appelé la police, elle est sympa. Ah, elle est sympa, ouais. Vive ça... le Super U. Ouais, ça ouais. Fait une attraction, ouais. Numéro 2. Numéro 2. Ah, ça, on vous en a parlé dans le morning, ça s'est passé dans les Yvelines, à l'Halle aux vêtements. Vous vous rappelez du gars qui perçait des trous dans la cabine d'essayage des femmes? Ouais. Absolument, oui. Absolument. Ouais. Un homme de 54 ans s'était muni d'une petite perceuse. Sans fil, bien sûr. Bah, évidemment. Pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Bon, le con, évidemment, au bout d'un moment, il s'est fait choper. Il regardait les clientes en train de se déshabiller. Faites gaffe, les filles, si vous allez dans les cabines d'essayage. Il peut y avoir un pervers de l'autre côté. Je suis là. Faites surtout gaffe si vous entendez. Ouais, faut se méfier. Ouais. Et si vous voyez plein de trous dans le truc, à gruyère. Non, mais si vous voyez un trou, mettez le doigt dedans. Vous allez voir, oui. Dans l'œil. Oui, et on va terminer avec le numéro 1. Numéro 1. Eh oui, numéro 1. À Juan-les-Pins, ça s'est passé sur la Côte d'Azur. C'est un gars accusé de vol. Ouais. Il s'est fait donc arrêter par les vigiles. Là, les vigiles lui disent, vous avez volé quelque chose. Le mec dit, non, j'ai rien volé. En plus, ça se passait devant tout le monde dans le magasin. Et à ce moment-là, le gars craque et se fout à poil pour montrer qu'il avait rien volé. J'ai rien du tout. Voilà, le mec complètement à poil, déshabillé entièrement dans un supermarché. Et en fait, oui, il n'avait rien volé. Ah, j'ai rien du tout. C'est pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Bon, faites gaffe, les cabines d'essayage, il y a une petite histoire aussi qu'on nous raconte. C'est Théo de Nantes qui nous dit chez Leclerc, il y a un mec qui s'est exhibé devant les clientes dans les cabines d'essayage. Non, sympa. Je vous ai dit, les cabines d'essayage, attention, danger. J'espère qu'ils n'ont pas appelé la police, ça fait une attraction. Oui, c'est vrai, ça fait du monde. Voilà donc une petite compile sympathique qui nous prépare comme tout, ouais. À nos petits shopping de ce week-end. Ça donne envie d'y aller. À nos courses de ce week-end ou d'aujourd'hui. Hein. Et puis, si vous voyez des trucs, si vous bossez dans les magasins, que vous voyez des trucs un peu spéciaux, on peut s'en faire une autre très vite. Hein, une compile des clients amochés dans les magasins. Sans problème. Il est 8h58, je vous avais promis Joule avant 9h. Et ben on est à 2 minutes de 9h, c'est donc maintenant que vous pouvez vous inscrire. Vous vous inscrivez au 41 759 ou alors non au 720 ouais. Ah oui, 41 759 témoignage 720 roulette. Donc vous envoyez roulette au 720 vite. Roulette au 720, vous gagnez Joule en concert et en tournée avec Skyrock. Les dernières places à gagner tout au long de la journée, profitez-en, c'est maintenant, c'est pour vous. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi deviner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meubles télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687€. Ouais, comment tu sais? Yes. Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé? Non mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça. Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea. Qui habille colore la vie. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive que votre dressing doit se prendre un vent. La mode hiver est déjà chez Qui habille. Avec des couleurs chaudes et des matières tendances comme ce pantalon enduit avec détail zip, 5 coloris à seulement 12€. 12€ pour être stylé le jour ou glam la nuit. Ouh, j'en frissonne d'envie. Du 12 au 25 octobre, conditions magasin et sur kihabille.com. Qui habille, la mode à petit prix. La technologie pour Darty, c'est faire le choix d'une box internet innovante pour une expérience télé enrichie. Et tout ça au meilleur prix, service compris. Jusqu'au 31 octobre, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec tous les services exclusifs d'Arty est au prix anniversaire de 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à condition et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins d'Arty, hors d'Arty.com. Skyrock. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi, cheval qui rit, à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Mon

direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Ouais, avec toute l'équipe qui est là. Moi, ouais. Cédric, mais Cédric qui reviendra nous voir lundi soir dans la Radio Libre. Vous le retrouverez entre 21h et minuit avec nous. Rémi, est-ce que tu peux me faire la météo spéciale Marseille pour Fred dans un instant? Oui, on va une météo ça. Spéciale Marseille pour ce soir. Fred est au Vélodrome ce soir avec Soprano. Ouais. C'est dès 20h, 20h, 21h dans Planète Rap, juste avant nous, juste avant la Radio Libre. Fredo, yes. Et Soprano. C'est vrai. On va te faire ta météo spéciale, Fred. Ouais, bah, je crois que c'est bien parti déjà. Et là, Fred, t'es où? T'es encore à Paris, là? Bah oui, je suis à Paris. Ah non, mais je croyais que t'étais déjà là-bas, moi. Tu croyais que j'étais déjà dans le Vélodrome ou quoi? Bah, en train de tirer les câbles et tout. Bah oui. Non, je suis à Paris. Tu pars à quelle heure? Je pars après, là, juste après, à midi. À midi, et après, t'arrives à Marseille, t'as de la chance. Dans l'après-midi, mais bon. Je pensais aller faire trompette. Je oui, crois oui. que c'est un peu loupé, non? Ah si, tu vas faire trompette en sortant. Tu vas te prendre une rincée sur la gueule. Ouais, la ça va être un autre genre, ça va être une douchette. Et c'est possible. On va te dire ça dans un instant. Merci. La météo spéciale Marseille, là. Pour j'attends Fred. Avec impatience. Et Soprano aussi ce soir, dans mon Planète Rap. Alors, nous, on a une roulette à faire tourner. Bah tiens, on parlait d'un Marseillais. Eh bah, c'est Jul. Jul dans la roulette. Jusqu'à ce soir, vous gagnez vos places pour Jul. Les toutes dernières à gagner tout au long de la journée. Même là où c'est complet, on a des places pour vous. Restez bien sur Sky. Et là, j'accueille Karima qui va faire tourner avec nous pour la roulette. Bonne chance, Karima. C'est Jul. Skyrock t'offre Jul en concert dans la ville de ton choix. Jul sur Skyrock. Papa et Arendby non-stop. Hey. Si Jul a un problème lors de ses concerts, je peux faire doublure. Doublure voix pour Jul. Pas de la merde. Je connais tout par cœur. Jul et Karima en direct avec nous. Salut Karima. Salut des foules. Salut Karima. Salut Karima. Salut. Salut tout le monde. T'es à Annecy. Salut. Enfin, t'es dans 74. T'es où exactement? Je suis à Gaillard exactement. À Gaillard. À Gaillard. Eh bien, à Gaillard. C'est très moche. C'est vrai. Non, mais je crois que c'est pour tout le monde aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, bah, profite j'ai bien de ce cas. Bah, tu vois, au moins on te ramène du soleil dans la radio. Romano. Oui. Ouais, il est là. Ça va, Romano? Ah bah ça va bien, tranquille. Romano, contrairement au soleil, il brille du crâne. Ah ouais. Il brille avec ses dents en plastique. Aussi, ouais. Eh ben Karima, la roulette tourne. Il faut l'arrêter maintenant. Stop. Et on va voir si tu gagnes Jul. Eh ben deux places de concert pour toi, Karima, c'est gagné. Tu les as tes places de concert, Karima. Merci. De rien, bravo Karima. Tu vas y aller avec qui? Bah ça c'est à toi de choisir. Avec mon mari. Eh ben c'est magnifique. C'est mignon. Les deux amoureux, vous allez oui. vous éclater au concert de Jul, vous avez de la chance. Et il y en aura d'autres des places à gagner avec Fred notamment. Et avec toute l'équipe de Skyrock jusqu'à ce soir. Dernière roulette Jul, c'est bah, à minuit avec nous hein, dans la Radio Libre. Oui, décidément une super journée. Hein. Faut pas lâcher merci. Skyrock de la journée. Skyrock c'est presque oui. H24. Ouais. C'est bien, Karima. Pas, donc j'ai que ça à faire. Merci beaucoup. Eh ben, profite bien, Karima. On t'embrasse, Karima. Merci, ciao. Aussi. Gros bisous. Gros bisous, ciao. Bah, bisous à toi. Bisous. Ouais. Salut, Karima. Bye. Et le zap du morning, salut. Juste avant la météo de Marseille, dans un instant, pour Fred et Soprano ce soir en plus. Ouais, hein. Ouais. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Je vais venir te masser ton corps nu. On va se faire un body to body, baby. T'es qui pour me parler comme ça, toi? Bah, je suis ma sœur. Hein. Moi, Nicolas, il m'a contacté. Il veut que je fasse un body body to body avec toi. Tu vas avoir un body body sur le coin de ta Gamelle, Valérie D'Amido et Mathieu et la famille, c'est le réveil de Star sur Skyrock. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va, messieurs bien? Très bien. Je suis très très chaude du cul, tout va bien. Bah écoute, tu passes quand tu veux. Hein. Je vais te montrer mon gros marteau piqueur. Wow. C'est mon jouet préféré dans tous les travaux, c'est le marteau piqueur. Wow. Et ben voilà, tu pourras t'en servir. Ça y est, Terminator, he's back. Ouais. Ouais, moi je suis plutôt le burineur. Eh ben écoute, à la prochaine. Tu m'appelles quand tu veux buriner. Allez, en avant Guingamp. Allez. Bisous, ciao. Écoutez bien, il chante, faut reconnaître le morceau. Si vous êtes des nouveaux et des nouvelles, vous allez voir, il chante très bien, mais c'est pas facile à reconnaître. Alors attention. Attends. DJ Roro. La la la la la la la la. Les Schtroumpfs. La, la. Non, c'est pas les Schtroumpfs. Alors Non. C'est des DJ Roro à bug, il a pris trop de trucs à Ibiza. Oui, bonjour, c'est les encombrants, l'appareil. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je t'appelais, on nous a appelé, a priori, je dois venir débarrasser un truc chez toi. T'es chez toi, là? Oui, je suis chez moi. Bon, y'a quoi à débarrasser? Y'a ce que tu veux. Bon, bah nickel, je passe dans 5-10 minutes avec le camion, j'embarque des trucs, et tu me donneras 50 euros. C'est ça. Bon, bah nickel. Bah, je suis là dans 5 minutes, chérie. Vas-y. À tout de suite, Christophe. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute tous les matins. Je joue tous les matins. Je suis trop contente de vous avoir. C'est Skyrock. Mais oui, donc ta radio préférée pour faire les choses bien, tu sais, dans les règles. Skyrock. Ouais, c'est gagné. Ouais, ouais. Bravo, Manel. Bien joué. Ah, franchement, je suis super contente. J'y croyais plus. On a 1 500 € à t'offrir. Il faut juste répondre à une petite question qu'on va te poser maintenant. Il faut nous dire, Jessica, quelle est ta radio préférée? Ah, c'est Skyrock. Eh ben, c'est gagné, Jessica. Bravo. Bravo. Et ben voilà, Manel, Anis, elle a gagné 1 500 €, Jessica, elle a gagné aussi 1 500 €. Ouais. Et vous aussi, répondez Skyrock, c'est 1 500 € direct dans la poche. Et inscrivez-vous 7-20-20, 1 500 ou 7-20-20. Oui, 1 500 ou 7-20-20 pour vous inscrire tout au long du week-end. Allez-y, vous envoyez vos messages et lundi matin, on vous tirera peut-être au sort pour vous offrir 1 500 €. Ouais. En attendant, Skyrock, Skyrock, Skyrock. Et la météo de Fred maintenant. Voici donc Rémi. Des orages déjà. Et la orages. Météo de Marseille, qu'on précise quand même pour ceux qui viennent de se réveiller, c'est que pour Marseille, c'est pour le Planet Rap de ce soir. Frédéric. Bon. Alors. Eh ben, on a des orages déjà de 14h à 20h, ça c'est sûr et bon, certain. Il y a même pas va. Mal d'orages. Ça va, si ça à partir de 20h, oui. Ça doit se calmer un petit peu. Ah non, ça doit se calmer un petit peu. Mais Fred, t'auras quand même de la pluie, c'est sûr. Mais précisément, ça reprend à quelle heure, tu sais ou pas? Ah bah oui, ça s'arrête normalement. Les orages s'arrêtent vers 20h et puis à partir de 20h, c'est de la pluie jusqu'à 23. Hein. D'accord. Ah ouais, donc c'est bien mouillé hein, pour aujourd'hui, Fred. C'est donc bien un temps de merde. Voilà, en fait. Et par contre, t'auras pas trop froid, il fera 16-17 degrés, donc ça va. Donc ce je peux emballer le calbut, quoi. Ça, c'est clair. Par contre, prends le ciré, les bottes en caoutchouc, bah ça c'est la classe. Je vais changer de 3 tenues, quoi. Oui, et puis le parapluie également. Même s'il y a un toit, on sait jamais. Il peut peut-être s'envoler, il y a eu du vent à Marseille aussi. Hein. Donc ce soir, c'est à pas louper le Planet Rap de Soprano en direct du Vélodrome ce soir. Eh oui. On loupera pas le rendez-vous, Fred. Bah, j'espère bien, ouais. Nous, on écoutera ça en revenant pour la Radio Libre, parce que la Radio Libre ce soir, c'est aussi en direct. Nous, on sera pas à Marseille, on sera en direct de Sky, hein. Mais en direct dans toute la France, vous pourrez nous appeler si vous avez un truc à dire, si vous voulez bien terminer la semaine avec nous et faire les comptes 21h et minuit. Et puis, si vous avez besoin d'un petit service, ça marche aussi, hein. C'est Radio Libre, c'est à 21h, c'est Planet Rap, c'est à 20h. Et c'est parti pour le son de Skyrock, Urban Music Non-Stop toute la journée. Je voulais faire un petit coucou à tous nos gagnants des 1 500 € cette semaine. On vous disait de vous inscrire au 7-20-20. Ça marche. C'est tombé, hein. Oui, oui. Vous envoyez 1 500 € au 7-20-20. C'est tombé chez Yacine à Orléans. C'est tombé chez Flavie à Caen. Chez Roméo à Alonne dans le 60. À Quimper chez Aurore. Bravo Aurore. Rosario a gagné à Châtenay-Malabry dans le 9-2. Julien a gagné à Firmini. Ah, il va offrir une pioui à Noël pour son fils. Ah. Quentin a gagné à Besançon dans le 25. Émilie a gagné à Amiens. Bravo Émilie. Et puis aujourd'hui, c'est tombé chez Jessica, chez Manuel. Bravo à vous. Félicitations. Bravo. Répondez Skyrock et c'est dans vous la saviez, c'est bien plumé. C'est, ouais. C'est une semaine à 15 000, ça, non? Ah bah, ouais. C'est ça. Bien vu, Fred. Bien calculé. Sympa. 15 000 euros qui tombent dans la semaine, c'est pour vous, c'est sur Sky. Allez, on vous fait plaisir. On peut faire mieux encore la semaine prochaine. Ouais. Ruiner Skyrock. Opération hashtag on ruine Skyrock. Ah là. Ou opération le directeur financier de Skyrock égale dépression. Ouais. Bah, ça, je crois qu'il est déjà parti là. Hein. Oui, on en a changé toutes les semaines. Il a abandonné. Hein. Bon, bah, profitez bien de cette journée et rendez-vous ce soir à partir de 21h. Demain, le Morning Best avec Vincent de 6 à 9. Et lundi matin, évidemment, le Morning pour se réveiller avec vous en direct. Bon week-end, bonne journée, bon vendredi et à tout à l'heure. Ciao. Salut. Ciao à toutes. À tout à l'heure. En direct de Marseille. Ouais. Ciao. C'est parti, le son de Skyrock. Bonne matinée et bienvenue à vous tous. J'espère que le week-end aussi approche pour vous. Tiens, dites-nous un petit peu ce qu'il y a prévu pour vous ce week-end. Envoyez un petit message et n'hésitez pas aussi à faire tourner la roulette hein, qui va retourner tout à l'heure avant midi. Des places pour aller voir Jul et pour bien attaquer le week-end ou du moins ce vendredi 14 octobre. Voici l'artiste qui se nomme The Weeknd. L'album sortira 25 novembre. Son nouvel album, on écoute Starboy sur Skyrock. I'm a motherfucking starboy.